Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de RGM, Radio Guimauzeau. Cette radio s'appelle Radio Guimauzeau parce qu'on habitait chemin du Guimauzeau à un moment donné. Enfin, la radio habitait chemin du Guimauzeau. Et puis, on a déménagé à plusieurs reprises. On est allé à rue sur Moselle, où l'ancien cinéma. Et puis, on est descendu à Saint-Étienne-Hermiremont depuis déjà pas mal d'années maintenant. C'est à Saint-Étienne-Hermiremont qu'on a passé le plus de temps. Et voilà. Alors, revue de presse, il y aura une revue de presse, bien sûr, hein, oui. Demain, il sera question du glyphosate, hein, le glyphosate, dont on parle surabondamment un peu partout, mais bon, voilà. Et il faudrait que les choses avancent, quoi. Et Marc Augeret nous chantera « Maintenant que la jeunesse », des moyens plutôt que des artifices, nous dit Adrien Quatennens. Le média en Macronie, un écologiste est un terroriste. Alors, en Macronie, un écologiste est considéré comme un terroriste. Hein, voilà. Gilles Servan nous chantera Le Petit Notable, qu'on a déjà entendu plusieurs fois sur dans cette émission, mais bon, j'aime bien cette chanson-là, alors voilà. On la repasse de temps en temps quand même. Parce que d'habitude, sur Gilles Servat, sur les chaînes de télévision normales, sur les radios normales, on entend très peu parler. Hein. Voilà. Donc les radios libres, elles sont faites pour faire passer ce qui ne passe pas ailleurs. Ben oui, si elles sont libres, il vaut mieux que... Mélenchon filme la perquisition de son domicile. Ah oui, il a filmé de A à Z tout ce qui s'est passé. Alors voilà. Alors, musique, ben, Enrico Macias nous chantera « ma patrie », tout ça, voilà. Alors, Paul Vanier, enseignant insoumis, vous, le parti des pilleurs de biens communs. Ensuite, ben, Jacques Brel nous chantera « ces gens-là », qui c'est ces gens-là? Ben, ma foi, chacun désignera qui il veut. Hein, ben oui, on est sur une radio libre. Le média, on touche pas à Monsieur Mélenchon. Musique, El Condor Passa. Les frères ennemis nous rencontrent une histoire de mur. Hein, difficile à suivre parce qu'ils vont vite aller. Enfin, ils allaient vite, les frères ennemis. Et oui. Bientôt un référendum où il sera question de la privatisation de l'aéroport de Paris. Et voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, en plus, ou malgré tout, une bonne nuit. Au revoir. Alors, une petite revue de presse, si vous insistez. Il y a 100 ans, semaine du 20 au 26 mai 1919, le droit de vote des femmes accepté par l'Assemblée nationale. À Paris, le 20 mai, la séance présidée par M. Deschanel n'a réuni qu'une trentaine de députés. Une trentaine de députés. Elle concernait le droit de vote des femmes, M. Jean Bon, en deux mots, Jean, J-U-A-N, plus loin, Bon, B-O-N, défend un contre-projet appliquant à tous les citoyens français, sans distinction de sexe, la loi sur l'électorat et l'éligibilité à toutes les assemblées élues. Voilà, le progrès est en marche. C'était il y a un siècle. Et depuis, le progrès n'a pas cessé de progresser, bien entendu, dans tous les domaines. Les salariés français veulent bouger. Non, ils veulent gagner leur vie. Ils veulent avoir du travail, et puis un travail intéressant, un travail pas dangereux, si possible, hein, et puis rémunéré correctement, c'est-à-dire que le fait de travailler donne le droit de vivre correctement, dans une société juste, une société égalitaire. Apéritif gourmand pour les étudiants et les SDF. Est-ce que c'est de l'humour? Apéritif gourmand pour les étudiants et les SDF. C'est Vosges Matin du 7 septembre 2019. C'est un titre avec des lettres de 1,5 cm de haut. Qui rit de quoi? Pourquoi? Enfin. Le couscous des commerçants mijote en coulisses. Alors c'était aussi le 7 septembre 2019. C'est trop tard. Et quand même, il y avait 500 parts de couscous préparées pour le repas des commerçants. Voilà, un couscous à Remiremont. Eh oui, tiens. La 5G présente-t-elle des risques? Annoncée comme révolutionnaire, la prochaine génération de téléphonie mobile est aussi pour certains une source d'inquiétude. Le point sur une technologie qui génère beaucoup de fantasmes. Non, pas des fantasmes, des interrogations. Des interrogations, les gens réfléchissent. Ils se renseignent. Ils voudraient bien se renseigner. Ils voudraient bien qu'on les informe. qu'on les informe vraiment. Hein, que l'information, ça ne soit pas une certaine forme de publicité déguisée. Poisson de mort, le lâcher d'eau d'EDF pose question. Alors ça s'est passé où ça? Ben ça s'est passé à Celles-sur-Plaine. Et pourquoi est-ce que c'est important ce lâcher d'eau à Celles-sur-Plaine? Ben c'est important pour les poissons, pour les pêcheurs bien sûr, mais c'est très important surtout pour la centrale de Cattenom. Eh oui, parce qu'une centrale nucléaire qui manque d'eau, on ne peut plus la refroidir correctement. Et même si on l'arrête, on ne peut pas l'arrêter totalement. Il faut toujours de l'eau pour la refroidir, sinon ça pourrait nous faire un Tchernobyl ou un Fukushima. Eh ben oui, alors donc il faut de l'eau. Et comme on commence à manquer d'eau, et que nos centrales nucléaires commencent à vieillir, enfin il y a longtemps qu'elles ont commencé à vieillir, et puis le manque d'eau c'est pareil, c'est pas d'hier que c'est commencé, ça a commencé vers 1949-1950. Hein, la baisse de... Oui, alors au début c'était quasiment imperceptible, puis maintenant c'est vraiment... On peut tout à fait percevoir. Pauvreté, le compte n'y est pas. Un an après le lancement de la stratégie nationale en faveur des plus vulnérables, les associations dénoncent le double discours du gouvernement et appellent à mieux prendre en compte les plus précaires. Voilà, ben, il faut donner du travail à tout le monde, il n'y aura plus de précaires. Et les commerçants arrêteront de fermer leurs rideaux de temps en temps, parce que vous avez remarqué qu'il y a assez souvent des magasins qui ferment et puis qui ne rouvrent pas. Hein. Ben oui, ben parce que ça manque de clientèle. Pour qu'un magasin fonctionne bien, il faut une clientèle, et une clientèle solvable si possible. Des gens qui ont envie d'acheter, premièrement, qui ont besoin d'acheter, et qui ont les moyens d'acheter, qui ont les moyens. Eh oui, à force de fabriquer des chômeurs, messieurs, dames, eh bien, vous jouez avec le feu. Vous jouez à la roulette russe. Vous savez ce que c'est, la roulette russe? Vous prenez un pistolet à six coups, par exemple, un pistolet à barillet. Vous mettez une balle dans le barillet, vous enlevez les autres, il y a une seule balle. Vous faites tourner le barillet plusieurs fois dans un sens, plusieurs fois dans l'autre. Enfin, si on peut le faire tourner, peut-être que c'est que dans un sens, vous le faites tourner plusieurs fois. Vous mettez le pistolet sur votre tempe et vous appuyez. Voilà. Vous avez une chance sur six de ne pas gagner. Eh oui, c'est ça le chômage pour la société, c'est ça. Hein, imaginez, nous avons 6 millions de chômeurs en France en 2019, ce qu'on avait déjà en 2018, bon, ça ne change pas beaucoup, mais en 2017, l'arrivée de M. Macron au pouvoir n'a rien changé. Par contre, en Allemagne, il y avait 6 millions de chômeurs aussi en 1932 et en 1933. En 1932, eh bien, les nazis ont eu 24% des voix. C'était déjà beaucoup, mais bon, ils ont fait de l'agitation dans les rues, etc., etc. La misère a continué à s'aggraver pour le peuple allemand. Hein. La bourgeoisie, elle s'en sortait bien, mais le peuple s'en sortait de moins en moins. Tant et si bien que les élections qui ont eu lieu en 1933 ont donné le pouvoir à Hitler. Et voilà, 12 ans de nazisme. Une guerre mondiale, entre 60 et 70 millions de morts, hein, on ne sait pas le chiffre exact, 60-70 millions de morts, dont 17 millions pour l'Union soviétique et 10 millions pour l'Allemagne. Et oui, un Allemand sur 6 est mort des suites de la guerre, les bombardements, etc., etc. Voilà, ils ont payé cher, hein, ceux qui ont voté pour Hitler. Ah oui, oui, le bulletin de vote n'était pas arrivé au fond de l'urne, il y en avait déjà qui commençaient à regretter, mais trop tard, il faut réfléchir avant de voter. Après, ben, ma foi, on n'a plus qu'à regretter et subir, surtout. Subir, subir. Le ministre de la Santé, on pourrait dire la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a promis de nouvelles mesures pour une refondation des services d'urgence. Alors, entre guillemets, refondation des services d'urgence. Mais n'a pas répondu aux principales revendications des grévistes sur les effectifs et les lits d'hôpitaux. Et voilà. Alors, Agnès Buzyn, elle parle pour ne rien dire, mais le journal Vosges Matin du mardi 10 septembre 2019, lui consacre quand même deux pages, deux pleines pages, pour donner la parole à une ministre qui n'a rien à dire et qui ne dit rien, hein, qui parle surabondamment, mais pour ne rien dire. Hein. Le directeur de General Electric dans le collimateur judiciaire à General Electric, Hugues Bellet, ancien conseiller d'Emmanuel Macron à Bercy, et directeur France de General Electric, fait l'objet d'une enquête pour prise illégale d'intérêt après un signalement de la députée Delphine Bateau. Ah, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Eh oui, qui tu es, EST ou HAIT, comme tu voudras. Oui. 18 ans après le 11 septembre, Al-Qaïda reste une menace. Et puis, il y en a plein d'autres de menaces comme ça. Vous avez vu cette nuit, les drones qui ont percuté, qui ont fait exploser des centrales pétrolières là-bas, en Arabie Saoudite. Hein, un simple fait divers comme ça pourrait être la cause d'une troisième guerre mondiale. Hein, oui, et ça pourrait être le détonateur suffisant pour ça. On joue avec le feu, beaucoup, certains. Eh oui, les Al-Qaïda, les intégristes musulmans, tous les intégristes de toutes les religions et de toutes les idéologies imbéciles, eh ben oui, ils peuvent mettre le feu à la planète très facilement. Le maire est Darmanin menacé de mort. Ah, bon, tiens, bizarre. Oh, ça peut arriver, peut-être. Finalement, faire de la politique, ça peut être dangereux. Hein, oui, ben oui, ben, si on fait des saloperies, on peut être puni. Et oui, l'opinion publique, vous savez, les femmes parisiennes qui mouraient de faim et leurs enfants avec elles sont allées chercher le roi et la reine et le petit boulanger, comment on disait, à Versailles, et les ont ramenés à Paris. Et puis ensuite ça s'est terminé, ben oui, assez mal là, quand même. Ah oui, la guillotine a servi là, crac, à raccourcir la royauté. Ainsi, la marque Panzani achète son blé dur au Canada, qui autorise la pulvérisation de glyphosate sur le blé 5 jours avant la récolte. 5 jours avant la récolte. Le blé, donc, meurt, comme les mauvaises herbes. Donc, plus besoin de le faucher et d'attendre qu'il sèche. Voilà. Comme ça, c'est bien. Nous vous l'a prévenu. Le blé au glyphosate. Mélenchon. Jugé les 19 et 20 septembre pour la perquisition mouvementée d'octobre 2018, Jean-Luc Mélenchon publie un livre, apparaître le matin même de l'audience. Et voilà, dont nous révélons des extraits. Alors ils peuvent révéler des extraits d'un livre qui n'est pas paru. Bon, alors, mais on n'a pas le temps, il faut faire vite. Et la pile finit de rire. Le maire de Levallois-Perret condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Voilà. Alors, condamné vendredi à 4 ans ferme pour fraude fiscale, le maire de Levallois-Perret a été incarcéré dans l'après-midi à la prison de la Santé à Paris. Son épouse écope de 3 ans ferme, mais pourra faire aménager sa peine. Oui, et puis elle parade dans les rues. Hein, si c'est pas se moquer de la justice, en tout cas des juges, hein, moi j'y connais plus grand chose. Hein, voilà. Et puis de l'opinion publique, et des électeurs, et des gens qui ont voté pour eux, et qui continueraient à voter pour eux si l'occasion se présentait. Mais bien entendu. Qualité de vie des enfants de fortes inégalités territoriales. Non, ben territoriales peut-être, mais sociales surtout. Inégalités sociales. Et ça, c'est profondément injuste. Et ça peut provoquer des mouvements de population qui commencent doucement, puis qui tout d'un coup deviennent très violentes, très, très, très violentes. Eh oui, ben, il n'y a que comme ça qu'on en sortira de cette crise merdique, collante, malodorante. À Levallois, on crie à l'injustice. On voit Madame Isabelle Balkany qui se balade dans les rues, qui console les habitants, qui les rassure. Hein, c'est pas rarement qu'on va dire des trucs comme ça. Mais non, allez. Les Romarimontains, c'est pas comme les Levalloisiens. Hein, ouais. Un policier condamné pour violence conjugale. Bon, ben pas de commentaires. Hein. Vous les ferez vous-même les commentaires. Bien sûr. Zéro chômeur de longue durée, une mission pour François Manduni. Bon, et c'est à Vincennes que ça se passe. Alors attendons les résultats pour voir. Hein? Eh oui, zéro chômeur de longue durée, et puis après on va lancer un zéro chômeur tout court. Oui, celui qui fera ça, il fera pas long feu, hein, parce que je pense que les détenteurs du grand capital feront ce qu'il faut pour que cet homme-là, ou cette femme-là, disparaissent suite à un accident de la circulation, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ah oui. Éliminer le chômage, ça serait prendre un risque énorme. Parce que le chômage, ça rapporte énormément à certains. Eh oui. Ben oui, parce qu'avec le chômage, on pèse sur les conditions de travail. Les accidents du travail n'ont jamais été aussi importants, aussi graves et aussi nombreux. Les salaires n'ont jamais été aussi bas. Eh oui, ben oui, quand on est menacé de chômage, de la précarité, de la pauvreté, eh bien, voilà, on plie, on courbe l'échine, hein, la plupart du temps. Ben oui. Et puis on oublie de se syndiquer, et puis etc. Les régimes spéciaux trouvent normal que 80% des travailleurs du régime général cotisent pour renflouer leur déficit. Où est la fraternité? Point d'interrogation. Eh oui, les régimes spéciaux, en général, ils sont profitent à des favorisés, enfin certains, hein, pas à tous, parce que dans spéciaux, il y a tout, hein. Il y a les régimes spéciaux des gens de la SNCF, et puis il y a les régimes spéciaux des avocats, etc. Hein, c'est pas du tout le même pouvoir d'achat, le même niveau, hein, bah, bien sûr. La concertation a beau être de mise, il faudra prendre une décision quant à l'avenir des retraites. Les électeurs sont partagés, le président de la République continue d'être l'objet de critiques, et pas seulement dans ce dossier douloureux, mais nécessaire. Ah, il est l'objet de critiques. Eh ben oui, si les gens n'avaient pas voté pour cet homme-là, s'ils n'avaient pas voté pour Hollande, s'ils n'avaient pas voté pour Sarkozy, et on n'en serait pas là. On aurait des vraies solutions depuis des dizaines d'années même. Hein, avant ces gens-là, parce que l'émiettement de la société, il est commencé depuis bien, bien longtemps. Front général contre la géographie revisité. Des impôts. Ce lundi 16 septembre, les syndicats des services des finances publiques ont appelé à la grève. Cette dernière est due aux suppressions de centres des impôts prévus par le gouvernement d'ici 2022. Alors c'est une bonne nouvelle, ça, on ne va plus payer d'impôts s'il n'y a plus de centres d'impôts. Hein? Eh ben oui, tiens, bien entendu. Allez, on va croire ça. Hein. La gare ne bougera pas et les trains rouleront en 2025. Lettre de 1,5 cm de haut. Mirecourt, transport. La gare ne bougera pas. Ah ben c'est bien si la gare ne bouge pas. Parce que c'est embêtant, quand une gare, un bâtiment dur se met à bouger. Bon, enfin. Les trains rouleront en 2025. La destruction de la gare de Mirecourt, ah, cette destruction, faisait l'objet d'une rumeur. Le vice-président de la région a rencontré les responsables de la SNCF et a finalement dénoué le quiproquo. Ah, il a dénoué le quiproquo, c'est bien ça. La gare de Mirecourt ne bougera pas et l'ouverture de la ligne 14 est toujours prévue au plus tard en 2025. 2025, oui, c'est ça, alors là. Qui aura conservé ce journal pour se rappeler en 2025 qu'il y avait eu une promesse de fête? Un CRS filmé en train de matraquer un gilet jaune. Un officier des CRS de Metz a été filmé en train de donner un coup de matraque en plein visage d'un gilet jaune lors de la manifestation de ce samedi à Nancy. La vidéo a été partagée des milliers de fois sur Facebook et provoque des réactions scandalisées. Voilà, eh bien ça c'était Vosges Matin du mardi 17 septembre. Voilà, hein? Alors, voilà, hein. Ben, les forces de l'ordre, on dit. Les forces de l'ordre, oui, mais ça dépend quel ordre. Hein. Entre 1940 et 1945, les forces de l'ordre, c'était pas l'ordre que voulait la majorité de la population. C'était une minorité. Eh ben, voilà. Alors, après la télévision en 2011, Michel Demurger, chercheur en neurosciences, a compulsé des centaines d'études internationales sur les effets des écrans sur les enfants. Son livre pointe leur danger. Sur le terrain, les spécialistes dressent le même constat. Ouais, les écrans, ben, ma foi, il faut en user, mais sans en abuser. Autrement, ça devient dangereux. Un PV sur quatre n'est pas payé. Ah, bon, voilà encore de l'argent perdu, tiens. S'informer sur la vie du département devient de plus en plus facile. Des lettres de 2 cm de haut, hein, oui. On peut s'informer, c'est bien. Plus grande, alors ça peut aboutir, tout ça, à une plus grande implication des habitants dans la vie de leur département. Alors, ben oui, impliquons-nous. Comment? Ben, on s'implique, on verra bien. Il y a 75 ans, Châtel et Nomexy étaient libérés. Oui. Ils étaient libérés parce que la France avait été occupée par les armées allemandes, par les armées nazies, qui est arrivée au pouvoir parce que qu'elle était venue à faire cette guerre mondiale parce que Hitler est arrivé au pouvoir, et Hitler est arrivé au pouvoir parce qu'il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne, et je ne sais pas combien de millions de pauvres, de précaires, hein, de lumpenprolétariat. C'est un honneur de prendre la suite de mon grand-père. Alors, l'association de Saint-Labor, la 36e DIUS de Texas, organise une cérémonie pour commémorer le 75e anniversaire de la traversée de la Moselle à Saint-Labor. Le 27 juin 2020, inaugurera un chemin à l'Ardora au bois à Saint-Labor. Alors ça, c'est la suite. Avant, il y a donc la commémoration de la Moselle, la traversée de la Moselle. Ça sera j'arrive pas à voir la date. Le 22 septembre, voilà, le 22 septembre. Alors, il faudra qu'on y soit, bien sûr. Des tests cellulaires pour éviter les expérimentations animales. Alors, l'ANCN, Alima Alem Marchand, intègre le 1er octobre l'Institut universitaire de France pour développer un projet de médecine personnalisée. Médecine personnalisée, c'est ça l'avenir. Eh oui, le but, supprimer les tests sur animaux dans le développement des nanomatériaux au service de la thérapie cancéreuse. Alors là, c'est un article qui mériterait d'être lu en entier. Malheureusement, par manque de temps, on ne pourra pas. Mais ce genre de choses, je pense qu'on en reparlera à l'avenir. Ouais, ce sont des technologies, des techniques, des sciences qui sont qui démarrent pas, non, pas vraiment, hein, quand même c'est un peu ancien, mais ça va se développer et les conséquences seront très nettement positives, espérons-le. Voilà. Le poète a toujours raison. Qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète t'as toujours raison. Qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. J'ai pris un arrêté pour interdire l'utilisation du glyphosate sur le Val-de-Marne. Donc, c'est la première fois en France, donc à l'échelle d'un département, qu'un président prend une telle décision. Et on l'a pris d'abord pour des raisons évidemment sanitaires. J'ai pris cet arrêté parce que chacun sait aujourd'hui que ces produits phytosanitaires, et en particulier le glyphosate, peuvent avoir des effets extrêmement négatifs sur la santé. On sait que ces produits, malheureusement, entraînent bien souvent effectivement des cas de cancer. Ils peuvent d'ailleurs toucher aussi bien des habitants que des agriculteurs eux-mêmes. On pourrait se poser la question, pourquoi en zone urbaine est-ce qu'on est concerné ? Ben, on est concerné, nous, évidemment, d'abord aussi comme consommateurs, par les produits que l'on consomme et qui ont été produits aussi avec l'usage de ces pesticides. Demain, on pourrait nous reprocher et nous dire, mais attendez, vous avez été averti, vous n'avez rien fait. En portant cela à l'échelle du département, on donne aussi un signe plus fort de ce que nous souhaitons, évidemment, faire en sorte que, à l'échelle nationale, demain, on puisse sortir, évidemment, de cette utilisation donc des pesticides. Alors le ministre de l'Agriculture, il a un rôle important à jouer. Aujourd'hui, je trouve qu'il a tendance à plus écouter d'une certaine manière les lobbies qui continuent d'agir pour le maintien donc de l'usage de ces produits chimiques dans l'agriculture, plutôt que d'entendre aujourd'hui les citoyens qui disent ça suffit, maintenant on veut des produits sains, on ne veut pas prendre de risques pour notre santé dans notre consommation quotidienne. Voilà, et donc il faut qu'ils entendent ce message-là de manière un peu plus forte et pas se contenter de demi-mesures aujourd'hui. Le seul petit pas qu'il ait fait, c'est de dire qu'il faudrait éventuellement une bande de protection de 5 à 10 mètres, simplement autour des champs, ce qui est largement insuffisant, évidemment, pour protéger les populations. Aujourd'hui, rien n'empêche la France de pouvoir décider d'une sortie anticipée. Ça fait partie aussi de ses prérogatives, donc c'est pas simple bien évidemment, mais un pays aussi important que la France, le poids qu'elle représente aujourd'hui dans l'Union européenne, fait qu'évidemment ça aurait un sens extrêmement fort, et je trouve que on peut pas d'un côté faire des déclarations en permanence sur la protection de la planète, sur la lutte contre le réchauffement climatique, la condamnation justifiée de ce qui se passe au Brésil par exemple, et puis de l'autre, là où on est en responsabilité, où on peut prendre des mesures, de ne pas les prendre réellement. Personnellement, j'ai eu des grands-parents qui étaient agriculteurs en Haute-Loire. Donc, je suis pas insensible évidemment à cette réalité-là, même si moi je suis effectivement né ici dans ce département, donc complètement effectivement dans un département très urbanisé, mais je suis très attaché aussi à ses racines et faire en sorte que cette agriculture, qui est une agriculture auquel on est tous, je crois, tous les Français sont extrêmement attachés, eh bien, soit demain une agriculture qui participe de la santé de notre pays et non pas l'inverse. Non. Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleu, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, t'en souviens-tu, souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse détourne ses yeux lilas. Maintenant que la jeunesse n'est plus ici, maintenant que la jeunesse vers d'autres chemins légers. Maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger. Maintenant que la jeunesse a fui voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais. Quel temps, quel temps. Sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais, c'est un temps contre nature, comme le ciel des peintures, comme l'oubli des tortures. Il fait beau comme jamais. Frais comme l'eau sous la rame, un temps fort comme une femme, un temps à damner son âme. Il fait beau comme jamais, un temps à rire et courir. Un temps à ne pas mourir, un temps à craindre le pire. Il fait beau comme jamais. Bienvenue, si vous nous rejoignez, notre éditorialiste aujourd'hui c'est Frédéric Mitterrand, merci d'être à nos côtés. Notre invité vient de nous rejoindre, Adrien Quatennens. Bonjour Adrien Quatennens, merci d'être avec nous, numéro 2 de la France Insoumise. Merci d'être avec nous. Le gouvernement lance un Grenelle contre les violences conjugales, priorité politique, opération de com', vous nous direz ce que vous en pensez, puis on parlera de bien d'autres choses et vous passerez sur le grill de l'interview énervante de Thierry Moreau. Et puis à 11h30, le témoignage d'une femme, Laura, victime des coups de son conjoint. Gérald, Agnès Buzyn répond aux urgentistes. Oui, en tout cas, elle fait des annonces hier. Réponse, on verra, parce qu'il y a des choses qui sont déjà pratiquées, il y a un peu des incantations, il y a quelques mesures concrètes, donc à suivre. En tout cas, il y a urgence aux urgences. Et maintenant, Adria Quatennens, vous allez réagir, commenter les unes des quotidiens. Voici les unes du jour. À la une de plusieurs quotidiens, les féminicides et le Grenelle du gouvernement. Un Grenelle contre les violences conjugales s'ouvre aujourd'hui. Pendant 3 mois, ministres, associations, victimes vont chercher des solutions pour enrayer ce fléau qui a fait, donc, je le disais, 101 morts depuis le début de l'année. Dénoncez-vous, comme d'autres, une opération de com'? En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de grande cause sans déploiement de grands moyens. Voilà, on a déjà eu le vote d'une loi sur les violences faites aux femmes au début de ce quinquennat. C'était annoncé comme la grande cause et on voit bien que les moyens déployés ne sont pas à la hauteur. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une trajectoire qui en plus est plutôt à la hausse, puisque l'an dernier, c'était 123 cas sur l'année. Là, on est début du mois de septembre, on a déjà atteint 101 personnes. Et moi, ce qui m'attriste, ce qui, je pense, doit nous faire honte à toutes et tous, c'est que parmi ces 101 femmes tuées cette année par leurs compagnons ou ex-compagnons, une proportion importante d'entre elles avait donné l'alerte. Quand vous regardez les 101 cas, il y en a beaucoup qui avaient déposé des plaintes pour des menaces de mort précises, d'autres qui avaient déposé des mains courantes en disant « mon agresseur potentiel rôde auprès de mon lieu de travail ». Et malgré ces alertes, ça s'est soldé par des découvertes tragiques. Alors, et ça n'est pas acceptable. Évidemment, c'est drame, mais il y a ce Grenelle de 3 mois qui est inédit. Écoutez ce qu'en dit la ministre en charge, la secrétaire d'État, Marlène Schiappa. Le Premier ministre reçoit ce Grenelle des violences conjugales. C'est lui qui l'a introduit. C'est un engagement très fort. Oui. Ça n'est jamais arrivé auparavant qu'un Premier ministre à Matignon reçoive toutes ces personnes qui habituellement travaillent chacune dans leur coin. C'est ça vraiment l'utilité du Grenelle des violences conjugales. C'est un outil au service de la lutte contre les violences conjugales qui met tout le monde autour de la même table. Voilà, c'est un outil, c'est pas que de la com, ça a pour but de sensibiliser et de trouver des solutions. J'en ai marre en fait que sur les grands sujets qui doivent nous occuper, On est des responsables politiques qui ne se comportent pas en dirigeants politiques, qui font la communication de leurs grands événements. Vous savez, par exemple, je prends un autre thème, l'écologie. Il ne suffit pas d'être sur un fond de scène vert et de dire « je suis le champion de la Terre parce qu'on m'a sacré comme tel » pour vraiment prendre à bras-le-corps ce sujet. Eh bien, sur les violences faites aux femmes, c'est la même chose. À un moment donné, il faut se dire une chose. Nous sommes une grande puissance, la France, et dans ce pays, il n'y a pas les moyens matériels et humains pour recueillir convenablement la parole des femmes, dont on doit tous se satisfaire qu'elles se soient considérablement libérées. Mais aujourd'hui, il n'est pas acceptable dans un grand pays comme le nôtre, quand une femme dépose plainte pour dire « je suis menacée, je suis en danger », qu'elle finisse ensuite par mourir sans que rien ne se soit passé. Après, systématiquement, et vous regardez dans les cas en plus qui sont cités, bien évidemment, une fois que l'acte est passé, les grands moyens sont déployés. Et généralement, on retrouve bien évidemment très vite les coupables. Mais en attendant, la question c'est « est-ce que nous aurions pu éviter ça ?» Alors, une fois que je dis ça, pour pas rester dans l'incantation et donner l'impression de faire de l'opposition de principe, moi j'observe ce qui se fait aussi à l'étranger. On cite beaucoup l'Espagne. J'ai vu que Marlène Schiappa, ce matin, très occupée à faire la publicité de l'événement cet après-midi. Alors que je pense beaucoup de personnes l'écoutaient ce matin en espérant vraiment entendre du concret. En gros, mais du concret, pas avant le début du Grenelle. Dans ce cas-là, elle ne répond pas à l'un de vos confrères qui lui demande de donner quelques mesures. Enfin, l'idée, c'était pas de faire la publicité d'un événement. Enfin, le sujet, c'est pas le contenant, c'est le contenu. Voilà, c'est pas faire la publicité de à telle heure, monsieur Édouard Philippe va parler. C'est d'avoir des mesures concrètes. Alors, juste un instant. Elle a balayé ce matin d'un revers de la main l'Espagne. Moi, j'ai regardé précisément ce qu'a fait l'Espagne. L'Espagne, elle s'est dotée d'un plan en 290 mesures. Dans lequel il y a assez peu d'angles morts, qui pensent vraiment toute la procédure. Et bien évidemment, c'est associé à un budget. Alors j'ai vérifié le chiffre, c'est 420 millions d'euros qui ont été déployés pour 2 années d'action après le vote de ce plan. En France, sur 2 années, nous sommes à 30 millions de budget. Voilà. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais les grandes causes, il ne s'agit pas juste d'en parler pour vraiment s'en saisir. Alors, donc j'espère... 79 millions, hein, mais oui, bon, mais ça, c'est les corrections. Moi, je parle des 30 millions qui avaient d'ores et déjà été votés. Je voulais revenir sur les moyens. Vous dites que c'est un problème de moyens, mais tout à l'heure, Eva Darlan, elle expliquait qu'il y avait les outils qui sont là, il y a les lois qui sont là, mais qu'elles ne sont pas appliquées parce qu'il n'y a pas de sensibilisation des procureurs, il n'y a pas d'accueil dans les commissariats et dans les gendarmeries, et qu'il suffirait... pour, en tout cas, dans un certain nombre de cas, par exemple, l'ordonnance de protection qui met 9 mois en France, en Espagne, vous le citiez, c'est en 72 heures maximum. Est-ce qu'il n'y a pas là des outils qu'on n'utilise pas parce qu'il n'y a pas de sensibilisation? Il y a sans doute des outils qui existent et il y a sans doute aussi, je le dis, des choses à moyen constant qui sont perfectibles. Ça va de soi. Il ne s'agit pas de dire qu'il suffit juste de dépenser plus pour que tout fonctionne mieux. En attendant, ce que je dis, c'est qu'on ne sera pas à la hauteur au vu de l'état du problème s'il n'y a pas plus de moyens. Je pose la question à la ministre Schiappa, mais aussi à M. Castaner. Comment est-il possible que quand une femme dépose plainte pour dire « j'ai une menace claire de mort » ou alors pour dire mon potentiel agresseur rôde près de mon lieu de travail, comment se fait-il que cette femme soit ensuite retrouvée morte? Ça n'est pas possible. Voilà, ça n'est pas possible. Point. Partant de là, il y a une grave carence de l'État et il faut vraiment s'interroger sur les moyens. Et je sors du sujet pur des violences faites aux femmes. Dans tous les grands services publics de ce pays, qui est un grand pays, on voit la décrépitude de l'État. Vous parlez des urgences à l'instant, c'est terrible de voir partout dans ces services publics des gens qui font tenir à bout de bras des services publics par un dévouement absolu et qui n'ont même pas les moyens de faire quoi? Ils ne demandent pas, par exemple, les urgentistes d'être comme les plus riches de ce pays. Ils demandent quoi? On a envie de pouvoir faire notre boulot comme on nous a appris de le faire. Et on est soucieux du fait qu'on ne peut même pas appliquer ce qu'on nous apprend en formation parce qu'on n'en a pas les moyens. Ben ça, c'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre. Voilà. Et si c'est ça le visage qu'est en train de prendre la France avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, ce n'est pas celui que je veux pour mon pays. Alors moi, je suis d'accord avec Adrien sur toute la première partie de ce qu'il dit, qui est tout à fait juste. Il le dit en plus d'une manière extrêmement posée et rationnelle. Ensuite, je ne porte pas le même diagnostic sur l'ensemble des services publics. Et donc, je constate qu'on tire toujours le fil d'un véritable problème pour en aborder d'autres sur lesquels les données ne sont pas forcément les mêmes. Bon. Mais en tout cas, tout ce qu'il vient de dire sur le féminicide est absolument juste. Autre sujet d'actualité à la une, les retraites. Jeudi, Édouard Philippe entame un marathon syndical sur cette réforme des retraites. Première étape d'une grande concertation qui durera un peu moins d'un an. Le gouvernement renoue avec le dialogue. Ça vous saluez cette démarche? Un Grenelle, une grande concertation. Ah ben on disait au gouvernement et au président, vous n'écoutez pas, vous ne tenez pas compte. Un grand débrief, un grand brainstorming, et puis on va très vite arriver à la fin du quinquennat à ce train-là, vous ne pensez pas? Non, oui. Sincèrement, sur les retraites. Donc il faut tout décider d'en haut comme c'était le cas. Sur les retraites, disons une chose, Emmanuel Macron est en train d'essayer de poursuivre ce que d'autres n'ont pas terminé avant lui. Voilà. En gros, il nous dit sur les retraites, il va falloir travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Bon, dans l'absolu, sur le papier, quand on se contente de cela, C'est a priori raisonnable. La vérité, c'est que si on vit plus longtemps, c'est aussi, pas que, mais aussi parce que la durée du temps de travail dans la semaine, dans la vie, a diminué. Mais il y a un autre raisonnement, Adrien Quatennens, pardon, avec, vous savez, le virage pris par Emmanuel Macron sur la durée de cotisation, oui. Et non plus sur l'âge pivot, et de, oui, qui, oui, est de dire, quand on commence plus tôt à travailler, ben on part plus tôt à la retraite, quand on commence plus tard à travailler, on part plus tard à la retraite. C'est pas logique. Mara, qu'il s'agisse de l'âge ou de la durée de cotisation, l'important c'est la décote en réalité, qui fait que de toute façon vous allez être amené à travailler plus longtemps. Et j'alerte sur le fait que les projections qui sont annoncées montrent qu'on va en gros demander aux Français de travailler jusqu'à plus que l'âge d'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que statistiquement, on va dire aux gens, l'âge auquel vous allez partir en retraite, c'est l'âge auquel, ça se vérifie statistiquement, on a les premiers pépins de santé. L'espérance de vie en bonne santé, c'est 62 ans et demi pour les hommes, 62,5 années sans incapacité. Mais juste dire une chose pour être clair, parce que c'est parfois très technique, hein, une réforme des retraites, et pour se faire entendre sur un sujet comme celui-là rapidement, c'est de dire une chose, comme le budget doit être un budget constant, c'est ce que défend M. Delevoye, 14% du PIB, alors qu'on sait qu'il va y avoir, compte tenu des phénomènes démographiques, plus de retraités et de retraites. On peut donc s'attendre, sans faire un grand décryptage de la réforme, bien que j'y sois prêt, à ce qu'il y ait une baisse des pensions. Donc, ça veut dire que le gouvernement n'écoutera pas la concertation qui s'ouvre. Mais moi, je me comporte en opposant-proposant, c'est-à-dire que partout où on m'invite pour discuter, je discute. Voilà. Opposant-proposant. Oui, joli. Mais il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas un jour de notre mandat d'opposition parlementaire où nous ne pensons pas à ce que nous aurions pu faire si nous étions aux manettes de ce pays. Voilà. Moi, si je ne renonce pas à ce combat politique, c'est parce que je ne m'inscris pas dans une posture. Je veux dire, je me complais pas dans le fait de m'opposer à Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron fait quelque chose de salutaire, je l'applaudirai dès demain. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Et je vois que le visage de la France, qui est une république sociale, et les retraites, c'est quand même l'un de ses piliers après la libération, est en train d'être déformé. Je pose une proposition, puisqu'on parle aujourd'hui des femmes et des hommes. J'en pose qu'une sur la table pour la question des retraites, voyez. Aujourd'hui, sur les salaires des femmes et des hommes dans ce pays, vous le savez, il y a une inégalité qui est maintenue, qui est de l'ordre de 20% d'écart des salaires entre les salaires des femmes et des hommes. Rien que cette question-là, si vraiment on se donnait les moyens de supprimer cette inégalité, compte tenu des cotisations supplémentaires qui en résultent, vous pouvez, figurez-vous, financer la retraite à 60 ans. Emmanuel Macron est-il contre la suppression de l'inégalité entre les femmes et les hommes? Une idée que je pose parmi tant d'autres. Mais Adrien Quatennens, depuis justement la crise des Gilets jaunes, est-ce que finalement la technique de la Macronie, c'est pas de gagner du temps pour éviter toute contestation sociale? En fait, c'est un peu la technique de la thérapie de couple avant que ça explose. Peut-être que effectivement, ouais, gagnent du temps dans leur agenda. Ça finit toujours par un divorce. Hein. Mais on gagne du temps. Peut-être que gagnent du temps dans leur agenda. Ce qui est sûr, c'est que notre pays en perd pour répondre à tous les grands défis auxquels nous sommes confrontés. C'est-à-dire qu'il soit question des sujets qu'on évoque aujourd'hui, les sujets sociaux, mais même de la question climatique. Moi, je me dis, le plus frustrant, c'est que c'est pas comme si les solutions n'existaient pas. En matière d'écologie, par exemple, les compétences techniques existent, les brevets scientifiques existent, je veux dire, les moyens existent, l'intelligence humaine et la disponibilité est là, mais on s'évertue à pérenniser un modèle qui nous emmène dans le mur. Oui, c'est sûr, c'est plus confortable de maintenir une trajectoire bien droite que d'assumer le virage important qu'il faut faire. Mais moi, je veux le dire, ce virage, on a les moyens de le faire. Et la France est un grand pays et elle a des atouts pour ça. Elle pourrait ouvrir la voie d'une grande bifurcation. Adrien, qu'est-ce qui finance les retraites? Eh bien, aujourd'hui, ce qui finance les retraites, c'est Tous les gens qui travaillent. Bien sûr, oui. Oui, tous les gens qui travaillent. Donc, on va faire peser encore un peu plus sur tous les gens qui travaillent, notamment sur les jeunes, le coût des retraites telles que vous les voyez. Je ne suis pas exactement d'accord avec vous, M. Mitterrand, parce que regardez, parmi les solutions que nous aurions, j'en ai posé une sur l'inégalité entre les femmes et les hommes, mais je vous en pose d'autres. On peut imaginer aussi élargir l'assiette des cotisations. Vous voyez, notre pays, il est devenu le pays... L'assiette mais elle est énorme déjà. Mais M. Mitterrand... Quand on est dans une entreprise, moi j'ai une petite entreprise de production, mais c'est monstrueux tout ce qu'on paye. Mais je sais bien, mais raison pour laquelle vous ne me prendrez jamais en train de mettre toutes les entreprises sur le même plan. Moi d'ailleurs, je n'utilise pas le mot l'entreprise parce qu'il y a des PME dont l'économie est bien particulière, il y a des grosses sociétés. Mais convenez avec moi que notre pays est en train de devenir le paradis du capital avec des dividendes qui sont absolument colossaux. Et vous devez bien voir qu'il y a la question de la répartition des valeurs. Monsieur Mitterrand, entre les années 1980 et aujourd'hui, un salarié français travaille à l'époque 9 jours par an en moyenne pour rémunérer les actionnaires. C'est 45 aujourd'hui. Je ne dis pas que tout soit à revoir, mais on voit bien qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. La question des retraites, c'est aussi la question de la répartition de la valeur produite. Et puis, il y a la question du chômage aussi. Parce que aux deux extrémités de la vie active, vous avez d'un côté des gens qui ont plus de 60 ans, ont fait leurs annuités, sont maintenus au chômage, et des jeunes qui n'arrivent pas à s'insérer dans la vie active. Voilà, je pense que finalement, le grand tort de ce gouvernement, c'est de poursuivre à tout prix des trajectoires qu'on fait la démonstration de leur échec. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il faudra à un moment donné plus écouter les oppositions. Bienvenue, si vous nous rejoignez, notre éditorialiste, c'est Frédéric Mitterrand. Notre invité, Adrien Quatennens de la France Insoumise. On continue avec les unes du jour. À la une également, deux professions surveillées comme le lait sur le feu par l'exécutif. Les pompiers, les urgentistes, leurs conditions de travail sont jugées prioritaires par les Français. C'est un sondage est là pour l'opinion. Deux professions qui, même en grève, sont obligées d'exercer pour assurer le service minimum. À votre avis, c'est de ceux qui manifestent urgentistes et pompiers sans bloquer le pays que viendra la grande contestation sociale populaire? Je pense que la grande contestation populaire, elle viendra de multiples foyers, on le voit bien, que ce soit question des urgentistes, des pompiers, des professeurs, mais dans les deux professions que vous citez là, il y a un fait particulier, c'est que la population de ce pays, elle est très attachée aux urgentistes, aux pompiers. Ce sont des gens, quand on est confronté généralement à eux, c'est dans des moments critiques où on a peur pour soi, on a peur pour ses proches, pour sa santé, pour sa vie parfois. Et on voit bien que la situation, on est rendu au fait que c'est ceux qui sauvent qui sont en danger, c'est ceux qui soignent qui se rendent malades à leur poste de travail, qui en plus, compte tenu de ce que sont leurs professions, tiennent le service même dans des moments de conflits sociaux comme ceux qu'on connaît. Pendant tout l'été, plus de 200 services d'urgence en grève dans le contexte que vous connaissez de canicule, etc. Et je pense que quiconque a fait l'expérience de ces services pour soi ou pour ses proches voit à quel point on ne peut pas continuer à maltraiter ce personnel soignant. Et c'est encore une fois l'une des carences pour moi de l'État. J'ai écouté avec attention les premières annonces que pose sur la table Agnès Buzyn. Certaines d'ailleurs sont intéressantes, mais je pense que c'est du bricolage technique. On parle notamment des questions de liens vidéo, de meilleure répartition entre les EHPAD et les hôpitaux. Ok, dans l'absolu, c'est bien, mais c'est largement insuffisant. Encore une fois, il y a bien la question de moyens. Alors, ce matin, j'entendais la ministre Schiappa dire « il n'y a pas d'argent magique ». Oui, c'est sûr, mais moi, je le redis, il n'y a pas non plus de grande cause sans grands moyens. Il faut mobiliser des moyens. On ne peut pas supporter que dans la 6e puissance économique du monde, quiconque fait l'expérience de l'hôpital public pour soi ou ses proches voit bien que c'est en état de décrépitude avancée. On met des moyens un peu partout, évidemment. On a envie d'en mettre dans les hôpitaux, dans les écoles. Mais vous les prenez où? Parce qu'on ne cesse de nous dire depuis des années que les caisses sont vides et manifestement elles le sont. Mais les caisses sont vides parce que certains s'en mettent plein les poches, Audrey Crespo-Mara. Il faut dire les choses comme elles sont, mais ce n'est pas ni de la démagogie ni de la rhétorique que de le dire. Enfin, regardez par exemple. Emmanuel Macron nous avait dit on va supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, vous allez avoir de l'investissement de manière conséquente. C'est passé peut-être sous vos radars pendant l'été, mais il y a eu un rapport sur la manière dont l'ISF s'alloue désormais et l'argent récupéré. Eh bien, depuis que l'ISF a été supprimé, l'investissement dans les PME a diminué de 70%. Donc, ça ne marche pas. Donc, rétablissez-le, séance tenante. Et quand je dis rétablissez-le, je ne prétends pas que ça soit la solution magique fiscale. Il y a une question de répartition de la valeur, de partage des richesses. Et on ne fait pas un grand pays qui a en plus construit son modèle sur de grands services publics avec un état d'austérité Adrien, qui est celui que l'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que les caisses sont plus vides pour ceux qui continuent à travailler tout en manifestant? Est-ce que finalement, ce n'est pas ceux qui cassent et ceux qui bloquent qu'on écoute le plus ou qu'on écoute mieux? Ceux qui cassent sont aux manettes. Ceux qui cassent sont ceux qui gouvernent ce pays. Moi, ceux qui cassent sont en train de détruire un grand pays comme le nôtre qui a construit toute sa force, tous ses atouts sur un modèle social. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on offre les conditions de faire en sorte que celles et ceux qui ont les moyens peuvent se payer des services privés, et pour le reste, c'est indigent. Mais c'est valable pour tout. Regardez, on parlait tout à l'heure des retraites, par exemple. Ce qui va se passer, c'est que par ailleurs, Emmanuel Macron, de l'autre main de sa réforme des retraites, dans la loi Pacte, il a encouragé les retraites par capitalisation. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ceux qui peuvent faire finalement sécession, parce qu'ils en ont les moyens, avec le modèle social français, et se financer eux-mêmes leur propre retraite, c'est-à-dire un modèle qui n'est plus basé sur la solidarité entre les générations, sur la solidarité entre les Français. Est-ce acceptable aujourd'hui, quand vous avez un service d'urgence, de voir tous ces personnels qui souffrent et qui n'ont même pas les moyens de faire dignement leur travail? Frédéric Mitterrand. Adrien, la charge fiscale en France est la plus forte du monde avec le Danemark. La charge fiscale est gigantesque en France. Et gigantesque. Vous n'allez pas encore augmenter les impôts? Non, Frédéric Mitterrand. Moi, ce que je propose, c'est de mieux répartir. Il m'appelle Frédéric Mitterrand. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, en France, vous avez 5 tranches d'impôts. Tout l'effort fiscal est concentré notamment sur ce qu'on appelle, à la va-vite, la classe moyenne, qui porte l'essentiel des bagages. Transfert des représentants. Mais plus vous gagnez proportionnellement, moins vous payez. Moi, je fais une proposition. Vous allez voir que ce n'est pas un étouffement fiscal. Si on passait à 14 tranches d'impôts, comme on l'a connu par le passé, toutes celles et ceux qui, dans ce pays, gagnent moins de 4000 euros par mois, ça fait beaucoup de monde, paieraient moins d'impôts. Je vous parle pas d'étouffer les riches, c'est pas le souci. Je vous parle de partager, de mieux répartir l'effort. On ne bâtit pas un grand pays avec de telles inégalités, vous le savez aussi Allez. Bien que moi. Adrien Quatennens, c'est maintenant la place de l'interview énervante Thierry Morin. On était très calme jusque-là. Some énergie. Allez, sur le grill, Adrien Quatennens, vous répondez de façon concise. À votre université d'été, Adrien Quatennens, vous avez accueilli Jérôme Rodriguez, un des ligueurs des Gilets jaunes, qu'il ait été accusé cet été de violence conjugale. Ça ne vous a pas gêné ? Je pense que l'accusation, en l'occurrence, était fallacieuse, parce que on a essayé de. Il y a eu une dispute conjugale, hein, bien évidemment. Avec des mots, que... les mots violents. Bien sûr, et ça n'est pas excusable. D'accord. Mais je crois que sa compagne elle-même s'est exprimée, et on voit bien l'objectif, c'était aussi de nuire, compte tenu de la place qui est la sienne, ce qui n'excuse absolument rien des disputes et ce qu'il peut y avoir par ailleurs dans sa vie privée. Vous prenez la radicalité raisonnable, c'est votre version du en même temps ? Non, en fait, je crois précisément que, à l'épreuve des faits qu'on a largement cité ce matin, la radicalité devient raisonnable. Radicalité au sens presque étymologique. Prendre le problème à la racine. Vous avez parlé de Jair Bolsonaro qui s'accommode du travail des enfants, mais votre ami, le président Evo Morales en Bolivie, a été le premier dans le monde à légaliser le travail des enfants. Vous avez des indignations à géométrie variable ? Non, pourquoi vous dites vos amis ? Moi, je n'ai pas de modèle à l'international. J'ai des sources d'inspiration. Il y a des choses qui peuvent être faites parfois qui sont bonnes et d'autres par les mêmes gouvernements qui ne le sont pas. Par exemple, quand certains pays ont fait en sorte que la rente pétrolière soit mieux répartie, c'est une bonne idée, pour autant que d'autres choses qui étaient faites à côté ne le soient pas. Voilà. Moi, je n'ai pas de modèle. J'ai des sources d'inspiration différentes sur des propositions concrètes. Votre mouvement s'est beaucoup investi dans le référendum, s'investit encore beaucoup, sur la privatisation d'ADP. On en est à 700 000, un peu moins, de signatures pour 4,7 millions nécessaires. Est-ce que ce n'est pas la preuve de l'échec ? C'est la preuve surtout qu'il faut redoubler d'efforts, ce que nous allons faire. Et j'attire votre attention sur le fait que collecter 4,7 millions de signatures, à mon sens, moi qui suis opposé à la privatisation, ça n'est pas collecter les signatures de 4,7 millions d'opposants à la privatisation. Moi, je rencontre des gens qui sont pas hostiles à la privatisation, donc on s'explique, mais eux pensent aussi que sur un grand sujet comme celui-ci, qui fait la jonction avec plein de thèmes, les Français doivent pouvoir décider, qu'un débat doit pouvoir être organisé. Donc je crois qu'il faut poursuivre ces efforts, parce que la question centrale, c'est celle de la souveraineté. Qui décide et pourquoi faire ? Vous avez dit, si on s'apercevait que LFI, que la France insoumise, n'avait pas d'utilité dans le paysage politique, on ne s'acharnerait pas. Au prochain échec électoral, vous arrêtez ? Non. Pour une raison, c'est que nous avons une singularité dans le paysage politique. Nous sommes ceux qui disons que la solution, c'est l'implication du peuple, et ce n'est pas que des mots. Ça veut dire que nous déployons des méthodes de militantisme que d'autres ne déploient pas, qui consistent à dire une chose. On ne peut pas continuer à aller d'un scrutin à l'autre avec un Français sur deux qui ne participe pas, et ne pas agir pour cela. Et nous, toute notre action est pensée comme cela. Dans un récent tweet, vous avez écrit « Partout dans le monde, on peut comprendre comment en France, notre force politique est arrivée aux portes du pouvoir. » Vous êtes quand même un peu loin des portes du pouvoir. Non, je crois précisément, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon est reçu comme il est reçu à l'international. Ça intéresse beaucoup dans le monde de savoir comment dans un pays capitaliste comme la France, au cœur de l'Union européenne libérale, une force politique comme la nôtre a pu arriver à 19,5%. À 7% européennes. 7% européennes. Oui, certes, mais les 7% européennes que je revendique aussi n'annulent pas, jusqu'à preuve du contraire, notre succès de la présidentielle. Certes. Vous en êtes d'accord ? Certes. Bon, merci. Écoutez ma chanson bien douce, que Verlaine aurait su mieux faire. Elle se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. C'est la complainte de l'épouse, de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la parole en public, ce n'est pas son rôle. Elle est craintive, elle est soumise, pas question de lui faire la bise. On lui a appris à se soumettre, à ne pas contrarier son maître. Elle n'a droit qu'à quelques murmures, les yeux baissés sur sa couture. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elle respecte la loi divine qui dit par la bouche de l'homme que sa place est à la cuisine et qu'elle est sa bête de somme. Pas question de faire la savante, il vaut mieux qu'elle soit ignorante. Son époux dit que les études sont contraires à ses servitudes. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Jusqu'au pied, sa burqa austère est garante de sa décence. Elle prévient la concupiscence des hommes auxquels elle pourrait plaire. Un regard jugé impudique serait mortel pour la captive. Elle pourrait finir brûlée vive, lapidée en place publique. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Jeune femme, larguez les amarres, refusez ces coutumes barbares. Dites non au manichéisme, au retour à l'obscurantisme. Jetez ce mon charabia triste, né de coutumes esclavagistes. Et au lieu de porter ce voile, allez-vous-en, mettez les voiles. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Je m'appelle Marion, j'ai 30 ans. Et le 11 septembre, je vais passer devant le juge, devant le tribunal de grande instance de Paris, à la 16e chambre qui traite entre autres des affaires terroristes et de haute criminalité, pour avoir décroché des portraits présidentiels dans des mairies. J'encours 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, puisque avoir décroché des portraits présidentiels, c'est un vol en réunion, selon la justice française. Les 21 et 28 février dernier, nous sommes donc allés décrocher ces portraits dans les mairies du 5e, 4e et 3e arrondissement de Paris. Quelques jours plus tard, alors que tout s'était passé dans le calme, nous nous sommes fait convoquer au commissariat et une fois arrivés au commissariat, nous avons été mis en garde à vue. Donc on a passé une dizaine d'heures en cellule. En vivant tout le théâtre d'une garde à vue, on nous a pris notre petite photo, on nous a pris nos empreintes, on nous a pris notre ADN, et puis on nous a auditionnés et on nous a mis en cellule jusqu'à ce que le parquet décide de notre sort. Et donc notre sort, c'est de comparaître devant la justice pour vol en réunion. Emmanuel Macron, champion de la Terre, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, il se positionne mondialement comme le leader sur le climat. Il fait de grands discours sur le fait que la France met en place des mesures pour répondre à l'urgence climatique. La réalité est tout autre. Si on veut vraiment rester sur une trajectoire qui nous permet de mener des vies dignes sur cette planète dans les prochaines années, il faut faire un effort de guerre. Et il faut changer nos modes de vie. Nos modes de production, nos modes de consommation, c'est un changement de paradigme de société dont on a besoin. Or, ce n'est pas du tout ce que fait le gouvernement français aujourd'hui. D'ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2015, alors qu'elles stagnaient jusqu'ici. Le Haut Conseil pour le climat nous dit que la France ne respecte pas ses engagements à l'accord de Paris. Donc, depuis 3 ans... qu'on a créé Action non violente COP21, on n'avait jamais fait l'objet d'une répression aussi forte. 17 procès dans toute la France, 57 personnes qui comparaissent devant la justice, plus de 90 personnes qui ont été mises en garde à vue, à peu près 900 heures de garde à vue cumulées. Certains se sont fait mettre les menottes à la sortie de leur travail devant leurs collègues. D'autres se sont retrouvés à 6 heures du matin avec la police chez eux, avec leurs enfants. Donc clairement, on fait l'objet d'une répression politique. Depuis septembre dernier, il y a eu beaucoup de marches pour le climat. On a passé beaucoup de samedis dans la rue avec d'autres millions de personnes à exiger du gouvernement qu'il mette en place une transition sans précédent. On a soutenu les jeunes pour le climat qui ont fait grève pendant plusieurs vendredis. Et puis, on a aussi été 2 millions de personnes à signer la pétition pour soutenir l'affaire du siècle, ce recours en justice pour inaction climatique porté par 4 ONG françaises. Ça suffit. Le gouvernement ne réagit pas il ne prend pas en considération nos exigences. Ils se sont félicités des marches pour le climat en disant qu'ils étaient contents de voir qu'il y avait une conscience écologique, une conscience climatique de la part de la population. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on leur demande, même s'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ce qu'on appelle l'urgence climatique. Donc le fait qu'il faut qu'on agisse maintenant. Chaque dixième de degré compte, chaque année compte. Donc il faut qu'on freine maintenant et qu'on arrête d'émettre des gaz à effet de serre et qu'on consomme moins et qu'on produise moins et donc qu'on révolutionne nos modes de vie. Il faut absolument qu'on bouscule les consciences. Et pour nous, la désobéissance civile est un des meilleurs moyens, est un des moyens les plus efficaces. Notamment parce qu'il permet d'inclure un maximum de personnes. C'est la force de la non-violence, c'est qu'on peut massifier un mouvement parce que tout le monde peut y trouver sa place. Et je crois vraiment que sur la question du climat, parce que c'est une bataille de long terme, cette stratégie de la désobéissance civile va vraiment nous permettre de gagner le rapport de force avec, avec les dirigeants. Ce mercredi 11 septembre, nous allons donc être 9 à comparaître au tribunal de grande instance de Paris. 8 activistes plus Vincent Verzat, le youtubeur de la chaîne Partager, c'est sympa, qui a été mis dans le même panier que nous quand bien même il faisait sa mission d'information. On donne rendez-vous à toutes les personnes qui souhaitent nous soutenir et qui se sentent concernées par la question climatique à 8h du matin devant le tribunal de grande instance. Nous entrons dans le tribunal à 9h. Parallèlement, il y aura une conférence sur désobéissance civile et climat au cinéma Les Batignolles. Et nous nous retrouverons le soir à partir de 18h à la base. Nous avons demandé la piétonnisation d'une partie de la rue Bichat et donc on attend un maximum de personnes pour à la fois vous raconter ce qui s'est passé à l'audience et puis faire la fête, puisqu'il faut quand même garder le sourire, même si c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer et l'inaction du gouvernement face à cet enjeu majeur du 21e siècle. Mais on garde un esprit festif et donc on se retrouvera rue Bichat à partir de 18h. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rance et renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis. Les usines ont fermé, tout va très bien pour lui. Les pauvres petits sous de ces contribuables servent ces grands projets urgents, indispensables. Des lampadaires, un golf qu'il va inaugurer. Je suis très satisfait, mes chers administrés. Satisfait car il vit de grands mots et d'embrouilles. La mairie et sa mare, il en est la grenouille. Sûr de faire la pluie et le beau temps local, il s'agite beaucoup au fond de son bocal. Il parade et se gonfle au milieu de la place. Trouve un mot pour chacun, promesse ou bien menace. De chacun il connaît les failles et les secrets. Tient un jour son courrier, ses fiches et ses dossiers. Il brandit le drapeau ou bien le linge sale. Dans ses urnes truquées, toutes les voix se valent. Il manie en malin les pressions, les faveurs. Tout est bon pour tenir en main les électeurs. Votre fils entre en fac, bien, j'en fais mon affaire. Il aura une bourse. Merci, monsieur le maire. C'était automatique, votre fils y avait droit. Le maire le savait, vous ne le saviez pas. Il enterre, il marie, dispose des gendarmes. Il se sert de vos joies, il se sert de vos larmes. Le préfet, le pouvoir, le méprise et en joue. Il est l'élu du peuple et c'est tant pis pour vous. novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffe et tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquennat. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en Navarre, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà. C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Ces gens-là peuvent envahir ma maison, les locaux de mon parti et de mon mouvement, ils ne me font pas peur. Pas un déploiement pareil, on croirait l'arrestation de je sais pas quoi, d'un gang, d'une bande, d'accord? Voilà à quoi sont occupés ces gens. Certains sont armés, figurez-vous, parce qu'on ne sait jamais, des fois que j'aille me battre avec une louche ou avec je ne sais quoi que je trouverai à portée de main. On a pris mon téléphone et on l'a fouillé, mon ordinateur. J'espère que vous ne m'avez pas écrit des lettres d'amour. Ça fait des mois que ça dure, que nous sommes persécutés, que dans la presse on répète des insinuations. Et là, ça va recommencer toute la journée, les gens. Ils vont dire « perquisition chez Mélenchon pour les comptes de campagne ». S'il vous plaît, dites partout que ceci est naturellement un acte politique. C'est un acte politique, c'est une agression politique. Vous voyez, je ne me soustrais pas à la loi, elle s'applique. Les gens fouillent chez moi et je ne dis rien. Résistance! Il n'y a pas d'affaire, d'accord? Il y a juste une volonté de salir. Monsieur Macron est un petit personnage et sa bande de ministres de la même nature. Nous ne sommes plus dans un état démocratique normal. Ce n'est pas normal de perquisitionner des sièges comme ça. Ce n'est pas normal d'empêcher des parlementaires en écharpe de rentrer dans leurs propres locaux. Il faut que votre indignation s'entende dans tout le pays. Ça suffit, monsieur Macron! I don't drink a rum. We like common, we want more. Stack banana till the morning come. Ce téléfilm s'appelle La Rose et le Soldat. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Frédéric pour vous parler de l'intrigue rapidement. Mais c'est vrai qu'on ne sait rien sur la Martinique à très cette période-là. Oui. Elle est restée sous, évidemment, le gouvernement de Vichy, possession française. Oui, elle était possession française. Elle l'est restée, vous avez raison. Oui, définitivement depuis 1816. Hein, donc ça fait 200 ans. On ne sait pas ce qui s'est... Est-ce qu'il y a eu des mouvements particuliers ou pas? Ah oui, absolument. Alors d'abord, il faut se souvenir que nous sommes en 1939, déclaration de la guerre. 1940, Pétain est nommé chef du gouvernement. Le voilà qui déménage à Vichy. Donc c'est le régime, le fameux régime de Vichy. Qu'est-ce qui se passe pour les territoires au-delà de la métropole? C'est la vraie question. Département et territoire d'outre-mer. Absolument. Alors qu'il n'était pas encore département d'outre-mer, qui le deviendra en 1946, justement, au lendemain de la guerre, sorte un petit peu de remerciements pour ce qui s'est passé sur ces territoires. Parce que, évidemment, il y a une majorité, encore une fois, qui veut soutenir le général de Gaulle, qui voudrait rallier le général de Gaulle, les forces françaises libres. Aux Antilles, là-bas. Oui, absolument. Et malheureusement, ce que fait Pétain, c'est qu'il envoie un amiral, l'amiral Robert. Robert, c'est son nom de famille, il s'appelle Georges Robert, c'est lui, l'amiral Georges Robert, qui va sur place et qui est haut commissaire de la République, enfin du régime de Vichy. Pourquoi ? Pour calmer les ardeurs de ceux qui veulent rejoindre de Gaulle ? Non, avant tout, pour essayer d'éviter que les Allemands ne se saisissent de ces îles, éviter que les Anglais et les Américains ne s'en saisissent, que ça reste territoire français pour l'instant. Mais sous la botte, sous le régime de Vichy. Alors comme les Anglais et les Américains ne souhaitent pas, évidemment, que passer des alliances avec ce territoire proche de Vichy, qu'est-ce qui se passe ? On va organiser un blocus. Les Alliés organisent un blocus de ces îles, ce qui fait qu'on ne trouve plus de nourriture. Alliés, mon œil. Les Alliés du côté de Gaulle, si vous voulez. Quand je dis ça, c'est-à-dire que les Anglais et les Américains, ce qu'ils veulent, c'est étouffer la Martinique pour éviter que ce régime de Vichy ne se répande sur toutes les îles. C'est ça aussi. L'idée, c'est que ce haut commissaire, chargé par Pétain, il est chargé d'appliquer, évidemment, la politique du régime de Vichy, et c'est une politique aussi raciste. Alors c'est ça qu'il faut quand même bien noter. On regarde des images qui vont nous permettre de voir un tout petit bout, un tout petit extrait de ce que l'on verra ce soir. Mais surtout, je voulais vous montrer des images de cet homme, voilà, Georges Robert, qui est amiral et qui était nommé par Pétain. Alors il s'occupait de la marine de l'Atlantique juste avant la guerre, jusqu'en 1939. Et puis en 1940, il est nommé donc haut commissaire, non seulement pour la Martinique, mais pour les Antilles et la Guyane. Alors la Guyane va dès 1941, va rejoindre les forces françaises libres. Et puis la Guadeloupe aussi, ça bouge beaucoup en 1941. Et comme les forces que tient cet homme, c'est-à-dire les forces terrestres et les forces maritimes, sont basées à Fort-de-France, c'est-à-dire en Martinique, il est très difficile pour les Martiniquais de pouvoir bouger, de pouvoir se révolter. Oui, ils sont cantonnés dans leurs îles. Ils ne pouvaient pas en sortir. Alors seuls il y a à peu près entre 4 et 5 000 habitants qui vont réussir à quitter ces îles, ces îles de la Martinique et de la Guadeloupe, pour rejoindre la Dominique et Sainte-Lucie notamment, qui sont des îles britanniques. Et là, ils vont pouvoir rejoindre le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, être formés et rejoindre le général de Gaulle. Il craignait d'être contaminé par le gouvernement de Vichy. Il voulait surtout avoir un bol d'air, quoi. Il voulait surtout ne pas être sous le régime de Vichy, parce que ce régime les étouffe complètement. À chaque fois qu'il y a un bateau qui arrive, on a vu des livraisons ou des marchés, tout va pour les soldats venus de métropole, tout va pour l'entourage de l'amiral Robert, et il est très difficile de se nourrir. On ne peut plus acheter de chaussures, il n'y a plus d'import-export. Donc on se fabrique ces chaussures avec des vieux pneus. Le voilà encore, l'amiral Robert, qui sera déchu en 1943, lorsque il va y avoir une pression des Américains et des Anglais, et on va la majorité de l'île va pencher pour le général de Gaulle, et du coup on va envoyer le représentant de Gaulle aux États-Unis, qui est alors ambassadeur, si on veut, à New York, qui va devenir le patron de cette île de la Martinique, enfin en tout cas de cette île de la Martinique et de la Réunion a été compagnon de la Libération. Non, ça fait pas partie des compagnons de la Libération. Je vous pose la question quand même manifestés en faveur du général. Et alors ils ont voulu manifester beaucoup, c'est-à-dire au moment du 18 juin, pas 40 évidemment, mais 41, 42, pour fêter justement cela, ou alors fêter l'armistice du 22 juin, enfin en tout cas s'en souvenir, j'utilise pas le bon mot, et puis tout ça a été un petit peu bridé. Et puis dans le sang, bien souvent, hein, il a fait tirer quand même. Réprimé. Ah oui, d'accord. Donc l'amiral Robert a été jugé, condamné. Alors il n'est pas question exactement de ça ce soir dans ce téléfilm, mais on est dans l'ambiance, fond historique. Voilà. Ouais. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, et vêtue de soleil et noyée de bleu tendre. Et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux, dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes, les a fait, elle et lui, comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande, et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. Tous les deux, reflétant les lumières qui tremblent des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante, un chant pur et fraternel dont les mots sont éternels, où je vais le cœur tendu et les pieds nus. Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent, c'est là-bas un pays sans mur et sans armure. Et je vois rire une fiancée sur la plage, elle attend au soleil fou, elle court au rendez-vous. Où l'amour jaillira dans un élan sauvage, comme un cri né sur la mer, comme un pain dans la lumière. Où l'amour nous fondera tous les deux comme un bleu de mirage, dans la mer et dans le ciel de ma patrie. On arrive au terme d'un quinquennat de mensonges sur les questions éducatives. Hollande avait promis la priorité à l'école et on constate après 4 années, les conséquences de l'austérité. On le voit avec les classes surchargées, on le voit avec les lycées professionnels qui ont fermé, on le voit avec la paupérisation de la condition enseignante, ces professeurs qui commencent leur carrière à 1,3 SMIC, à peine, c'était 2 SMIC dans les années 1980. On le voit avec des postes promis, les fameux 60 000 qui ne sont toujours pas créés. Quinquennat aussi de brutalisation avec des contre-réformes. Je pense à la réforme des rythmes scolaires, je pense à la réforme du collège qui sont imposées à toute force de façon totalement précipitée et puis qui rencontrent l'opposition des enseignants, de leurs organisations syndicales, de bon nombre de parents d'élèves. Pourquoi ? Parce qu'elles construisent une école territoriale, une école dont les conditions d'apprentissage, d'accès vont varier en fonction des situations locales. École territoriale et une école au rabais, vidée de sa substance, vidée de savoir, vidée de contenu disciplinaire, avec notamment les pertes d'heures de français, d'histoire, de mathématiques avec la réforme du collège. Alors à l'école aussi est arrivé le temps de l'insoumission. Il faut rompre avec la politique que la droite a installée et que François Hollande a poursuivie. La campagne de la France insoumise, elle doit être l'occasion de reformuler le projet politique d'une école de l'égalité et d'une école de l'émancipation. Une école qui accorde à tous les élèves, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont scolarisés, le savoir, la même culture. Une école qui permette à chacun d'accéder à la qualification. Une école qui forme des citoyens, des consciences émancipées, des consciences libres, des consciences autonomes, celles de ceux qui, demain, auront leur mot à dire dans la future 6e République que nous voulons construire. Lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie, et puis... Il y a l'autre, des carottes dans les cheveux,

5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Il est inadmissible que des lanceurs d'alerte soient traînés en procès pour la défense de l'intérêt général. Où est le procès de Monsanto lorsqu'il nous empoisonne? Où est le procès de Lafarge et des autres cimentiers lorsqu'ils polluent et bétonnent les terres dont nous avons tant besoin? Où est le procès de Total qui continue à extraire à tout va les énergies fossiles qui doivent rester sur Terre? Et surtout, où est votre procès qui continue l'inaction écologique et surtout cette politique de libre-échange avec notamment le CETA, le JEFTA et le Mercosur à venir qui nous condamne toutes et tous? Sachez donc que les gens ont d'autres projets que de se laisser enterrer tranquillement. Si nous devons prendre qu'un exemple de la vacuité totale de ce projet de loi, il suffit de rappeler vos objectifs climat. Pour 2030, vous enjoignez l'Union européenne à revoir ses objectifs à la hausse. Mais n'en faites rien pour la France. Vous restez un objectif à horizon 2030 largement insuffisant pour se conformer à rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. En revanche, pour 2050, et sans aucune feuille de route contraignante, vous présentez un objectif à la hausse, encore que le terme que vous utilisez puisse prêter à débat. Toujours est-il que vous dites pour 2050, neutralité carbone. En 2050, j'aurai 61 ans. Emmanuel Macron aura 72 ans. J'espère qu'entre-temps, nous aurons pu faire le travail que vous vous refusez à mener à bien et engager la planification écologique si nécessaire à notre pays. Mais vous vous rendez bien compte qu'il n'y a aucun sens à s'engager à l'horizon 2050 si aucun plan n'est élaboré dans le sens de la réalisation de l'objectif fixé. Entendez-moi bien encore une fois, comment expliquez-vous donc ce hiatus formidable entre la stagnation de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et l'objectif accru à l'horizon 2050? Comment réduire plus nos émissions pour 2050 si nous ne commençons pas par réduire plus dès 2030? Expliquez-nous, j'insiste, quelle machine a voyagé dans le temps, quelle inversion chronologique du calendrier, quelle fantastique invention disruptive, comme vous l'aimez le dire, allez-vous donc proposer pour faire tenir cette contradiction? Sans doute, plus prosaïquement, vous gérez la boutique et espérez avoir disparu du paysage une fois l'orage du changement climatique venu. Ceci dit, vous ne gérez que votre boutique, votre petit intérêt partisan. Car dans cette loi, il n'est nullement question de la nécessaire transition vers le 100% énergie renouvelable et la fin du nucléaire en France. Non, le risque nucléaire n'a pas l'air de vous inquiéter plus que cela. Son entretien non plus, d'ailleurs, car rien ne prouve qu'EDF soit aujourd'hui en mesure d'assurer l'entretien de centrales vieillissantes que vous vous refusez à fermer. Peut-être vous laissez-vous séduire par les sirènes de l'habituelle solution techniciste, réflexion automatique et rarement pertinente s'il en est. Puisque le changement climatique s'abat sur nous, gardons le nucléaire, chantent ces voix déraisonnables. Cet été, durant lequel les ressources en eau ont été particulièrement en tension et le niveau de nos fleuves anormalement bas, 4 réacteurs ont dû être mis à l'arrêt. 40 de nos 58 réacteurs dépendent pour leur approvisionnement en eau des fleuves. Plus leur niveau est bas, plus le stress hydrique sur toutes les activités est important. Dans ce contexte, le fait qu'EDF consomme 22% de la consommation annuelle nette en eau du pays devrait nous interroger sur l'inertie dont vous faites preuve en la matière. Le changement climatique met donc en péril la production d'électricité d'origine nucléaire. Le problème posé par la baisse du niveau des fleuves ne se pose pas qu'en amont. En effet, en aval du processus de production, les eaux sont rejetées dans les fleuves. En cas de faible niveau, elles peuvent augmenter la température de ceux-ci et endommager la faune et la flore. En d'autres termes, le nucléaire perd sur le tableau du changement climatique et nous fait perdre sur le tableau de la biodiversité. Face à cela, vous maintenez votre cap d'éloignement sans fin de la réduction de part du nucléaire, alors que la réduction de moitié du nucléaire dans la production d'électricité est tout à fait possible, selon plusieurs scénarios de RTE, pour ne citer qu'eux. Et ce, tout en baissant nos émissions de gaz à effet de serre. Comment penser, dans ces conditions, que vous faites preuve du sens de l'État et que vous envisagez à moyen terme les intérêts de la patrie républicaine des Français au lieu de réaliser des compromis médiocres guidés par des intérêts privés? La preuve renouvelée que vous ne faites pas cas de la majorité sociale se trouve dans votre approche sur le nucléaire. Encore une fois, alors que la commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité nucléaire vous y avez enjoint, vous ne faites absolument rien pour les travailleurs sous-traitants du nucléaire, toujours davantage précarisés, qui doivent travailler dans des conditions de santé et de protection toujours plus dangereuses. Ils effectuent 80% des activités nucléaires. Voilà pourquoi je vous parle de majorité sociale. Mais vous n'avez toujours pour celle-ci que du mépris et ne faites donc rien pour les travailleurs sous-traitants du nucléaire. Quelle que soit votre option politique, vous devez pourtant le savoir, ni la continuation du parc, ni la transition vers le 100% renouvelable ne sont concevables sans eux. Non content de ne gérer que votre boutique, vous considérez que l'État en est une également et ne faites pas une différence bien claire entre vos biens et les biens communs. L'État n'est pas à vendre. Nous ne sommes pas à vendre. Et nous ne sommes pas d'accord que vous continuez à le piller sans cesse. Aéroport de Paris, Française des Jeux, la branche énergie d'Alstom, les autoroutes avant vous, ça suffit. Nous savons tous, et la presse s'en est fait l'écho ces derniers mois, quel est le nouveau projet que vous avez à l'esprit qui tient en un principe très simple, privatisation des filières renouvelables et nationalisation de la filière nucléaire. En d'autres termes, privatisation des profits et nationalisation des pertes. La braderie généralisée de l'été est à son paroxysme. Vous vendez des rentes pour racheter des dettes. En d'autres termes, vous arnaquez la République dont vous êtes supposé servir l'intérêt général. À cela, je ne vois qu'une explication, celle-là même qui rend cohérente vos actions depuis le début de ce quinquennat. Vous n'êtes pas le parti des marcheurs ou je ne sais quoi, vous êtes le parti de l'argent, le parti des pilleurs de biens communs. Les puissances de l'argent ne s'embarrassent pas de considérations environnementales, ce n'est pas chose nouvelle. C'est dans ce cadre que s'inscrit le démantèlement général du service public de l'énergie. La bataille pour la nationalisation de l'énergie n'est pourtant pas venue de nulle part. Les géants de l'électricité, avant 1945, usaient et abusaient de leur pouvoir, en maintenant des tarifs très élevés pour la population. En cas de tension écologique majeure sur le marché de l'énergie, vous savez comme moi ce que la privatisation du secteur de l'énergie veut dire. Seuls les plus riches et à certains endroits auront le droit à l'énergie. S'il s'agit d'un service public régulé et organisé en fonction des demandes de nos concitoyens et concitoyennes, alors la solidarité est possible. Et les temps critiques sont ceux où l'on se serre les coudes. Les salariés d'EDF se mobilisent le 19 septembre pour empêcher le pillage de continuer. Je leur adresse depuis cet hémicycle un salut fraternel et solidaire. Dans ce secteur de l'énergie comme dans les autres, c'est la même lutte qui se joue entre les tenants de l'individualisme libéral, le rêve d'une société d'atomes détachés les uns des autres et la conscience de notre nature sociale et solidaire, tout individu que nous sommes. Le démantèlement progressif, déjà largement entamé du service public de l'énergie, va accroître les inégalités entre riches et pauvres, entre centres et périphéries. Vous construisez uniquement un monde pour les riches des centres, mais vous vous rappelez assez tôt de l'existence des pauvres des périphéries. Nous vous rappellerons aux conditions nécessaires pour une existence digne. Un mot sur les moyens qu'il s'agit de mettre en place si jamais vous acceptiez de rejeter ce texte. Il est temps d'organiser la planification écologique dont le pays a besoin. Si vous voulez le 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050, si vous souhaitez réduire les émissions liées au transport de marchandises entre nations, si vous voulez changer nos modes de consommation, alors il faut changer nos modes de production. Sur la rénovation des logements, quand donc allez-vous engager les investissements publics nécessaires pour lutter contre les passoires thermiques ? Le rythme est insuffisant et aucun progrès significatif n'est accompli en la matière dans ce projet de loi. C'est près de 800 000 logements qu'il faut rénover par an. Cela ne va pas se faire tout seul par la grâce du Saint-Marché. Le temps est à organiser depuis la puissance publique, de façon démocratique, un vaste plan qui mette tous nos services au service de la plus grande tâche jamais offerte à l'humanité, celle de survivre au chaos qu'elle est en train de produire. Il faut penser ensemble, agir ensemble et pour cela socialiser davantage les moyens de production clés, le secteur de l'énergie n'étant qu'un exemple parmi d'autres. Vous faites tout le contraire et votre croyance à la capacité du marché à relever le défi écologique est tout aussi dangereuse qu'irrationnelle. Nous vous opposons la démarche certaine et assurée des citoyens qui, défendant la République sociale et la fraternité, savent que seuls ces principes d'action peuvent nous guider vers un avenir vivable. Je vous remercie. Merci. Thank you. Bernard Pignerol, on ne vous connaît pas très bien, vous êtes un personnage un peu mystérieux ou en tout cas discret. On vous aperçoit de temps en temps dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous êtes un haut fonctionnaire, vous appartenez à un corps de l'État, on ne donnera pas son nom pour ne pas vous mettre en porte-à-faux. Je vous remercie. Et puis, vous êtes donc conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire quoi, conseiller spécial ? Alors, j'ai conseiller spécial, Jean-Luc dit toujours, c'est quelqu'un qui me donne des conseils spéciaux. En fait, j'ai été officiellement son conseiller spécial lorsqu'il était ministre délégué à l'enseignement professionnel. Et depuis, l'appellation est restée. Elle tient à ma relation très ancienne avec lui, puisque je le connais depuis 1987. Et qu'on, voilà, le temps que l'amitié se construise, disons qu'on est amis depuis le début des années 90. Je suis donc, dans la durée, celui qui l'a accompagné le plus longtemps. Et qui, en qui il a confiance quand il a peut-être quelque chose à formuler, à marcher dans Paris pour avoir l'idée d'un prochain livre, prendre une décision importante. Et puis, compte tenu de ma formation et de mon métier, les questions liées au fonctionnement de l'État ne me sont pas étrangères. Oui, parce que vous êtes juriste de formation, il faut le rappeler, donc vous êtes à même de... En plus, j'ai ce mal, pas ce malheur, mais cette... Je pense que c'est une bonne école, moi. Mais j'ai donc fait l'ENA, donc je connais plutôt bien le fonctionnement de l'appareil d'État. D'accord. Alors, on vous voit à maintes reprises dans les images tournées par l'équipe de Quotidien, le jour de la perquisition. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des moments plus que tendus. Il y a un moment où tout le monde se souvient de ce passage. Vous dites « Ne touchez pas Monsieur Mélenchon » lorsque Jean-Luc Mélenchon est en train de protester très vigoureusement à proximité d'un fonctionnaire de police. Enfin, c'est un gendarme en l'occurrence, je crois. Et donc, il y a un geste et vous baissez la main du gendarme. Voilà. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter comment, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, il s'en expliquera, mais je crois pouvoir résumer en disant il est le président du groupe parlementaire de la France Insoumise, il a été le candidat à l'élection présidentielle de la France Insoumise. Nous apprenons le matin qu'il y a 19 perquisitions qui se déroulent en même temps, en joignant deux affaires qui n'ont rien à voir, et nous découvrons progressivement que ces perquisitions se déroulent pour le moins, je dirais, sans avoir été préparé, donc sans aucun discernement de la part du parquet et des fonctionnaires de police, enfin de l'OCLIF, du service de police, dans lequel il y a aussi des gendarmes qui effectuent cette perquisition. Et je le découvre, moi, personnellement, parce que ils ne m'ont pas trouvé le matin, parce qu'ils ignoraient mon domicile. Ils disent même qu'ils n'avaient pas mon numéro de téléphone, ce qui est quand même un peu bizarre quand on commence une perquisition. Et ils finissent par me joindre. Et je leur dis, bah écoutez, je me rends d'abord chez Monsieur Mélenchon et ensuite je suis prêt à assister à la perquisition des locaux de l'association que je préside, l'Air du Peuple, qui, à l'époque, soulouait un bureau dans les locaux de la France Insoumise au premier étage. Je précise ça parce que c'est un des sujets d'inquiétude de toute cette affaire. Et lorsque j'arrive, convoqué par téléphone, mais convoqué par un commandant de police, tout d'un coup... se met en place une interdiction de pénétrer dans l'immeuble. Ils prétendent même qu'ils ont mis l'ensemble de l'immeuble sous réquisition, sous perquisition, en enquête préliminaire, ce qui est impossible. Ils ne nous montrent pas l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a forcément eu à connaître du périmètre de cette perquisition. Ils nous disent que personne ne peut entrer et sortir au moment même où il y a les gens qui sortent. Donc nous montons au premier étage. Pendant toute ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon n'est pas là. Et nous essayons de discuter, nous essayons d'avoir un contact avec une autorité, puisque les policiers, les deux policiers devant la porte sont d'un mutisme absolu, que le commandant de police est resté en bas. Je passe mon temps à le chercher, à un moment donné, on le voit dans les images. Je vous coupe pour que le déroulé soit clair. Vous rendez sur place parce que vous êtes convoqué par un commandant de police qui cherche à vous joindre, oui, et qui envisageait de perquisitionner à votre comme domicile. Comme ils se sont trompés dans mon adresse le matin, je n'ai pas été perquisitionné le matin. Donc, ils me joignent au téléphone et je dis « Vous allez sans doute perquisitionner les locaux de l'Air du Peuple ». Ils me disent « Oui, c'est prévu ». Je dis « Dans ces cas-là, je peux être sur place à 10h pour effectuer régulièrement la perquisition ». Parce que faut savoir qu'une perquisition, même sous enquête préliminaire, ne peut pas se faire sans un responsable légal d'une association, que ce soit l'association La France Insoumise ou que ce soit l'association L'Air du Peuple. Donc, il y a cette perturbation d'ordre et de contre-ordre que nous ne comprenons pas. J'insiste sur ce point. Vous ne venez pas pour vous opposer à la perquisition, non, vous venez parce que vous êtes attendu. Je viens pour qu'elle se déroule légalement et qu'elle ne soit pas entachée d'une nullité qui frappe toutes les perquisitions qui s'effectuent sans la présence d'un des responsables de la personne morale perquisitionnée. En l'occurrence, l'Air du Peuple, l'association L'Air du Peuple, dont je suis le président depuis fin 2016. Donc ça, c'est pour le contexte qui fait que je suis devant. Jean-Luc, y compris, n'a aucune... on ne lui explique absolument pas pourquoi on lui interdit d'entrer, alors que certains parlementaires sont à l'intérieur et pas d'autres. Qui ? Alexis Corbière est à l'intérieur, Hugo Berlanicis est rentré puis sorti. Il y a une espèce de confusion totale et sans aucun moment sur le palier ne viennent parler avec nous un représentant du parquet qui dirige. Il y en avait quand même trois à l'intérieur. Donc il y a ce climat un peu où on se dit mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Ça c'est pour le contexte général. Jean-Luc Mélenchon, qui n'a aucune explication, se demande aussi et nous commençons à pousser la porte. Après, mon attitude... Juste une question, vous n'avez pas la clé de... Alors, nous n'avons pas la clé parce que nous sonnons, c'est normal, il y a des gens qui gardent, c'est un local politique dans lequel moi j'ai un bureau, il y a des gens qui gardent et c'est normal, dire, on sonne en bas, on fait le code pour la porte du bas et on sonne à la porte pour pas surprendre ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité du local. Pas besoin d'avoir la clé d'un local où il y a tout le temps du monde. Faut bien avoir ça. Je vais pas y travailler à 2h du matin, seul, à faire je ne sais quoi. Ensuite, quand vous dites, et vous avez raison, que par moment je baisse les bras en disant avec une certaine fermeté dans la voix, on ne touche pas à Jean-Luc Mélenchon, ça tient à une autre partie de ma personnalité, parce que avant d'être haut fonctionnaire, comme on dit, j'ai beaucoup été un militant. Et donc, ce que je sais d'expérience, quand vous avez comme ça un attroupement de militants et qu'il y a au milieu la personne du principal dirigeant, si un policier fait mine de l'alpaguer, et c'était pas simplement fait mine, ils ont posé les mains sur Jean-Luc Mélenchon, je savais que plus le contact durait, plus le risque que tout ça parte en vrille existait. Et donc j'ai préféré, mais en toute conscience, et je pense que si c'était à refaire, je le referais, chaque fois qu'un policier mettait les mains sur Jean-Luc Mélenchon, de lui enlever la main en lui disant « on ne touche pas à Jean-Luc Mélenchon ». Donc mon objectif était de sécuriser l'ensemble du déroulement des événements en évitant que des militants puissent penser que Jean-Luc Mélenchon était agressé physiquement par un policier. Dans votre intention, en tout cas, il ne s'agit pas d'intimider le fonctionnaire de police, il s'agit d'éviter que ça dégénère et que ça ne reste exactement qu'au niveau d'une simple un échange bousculade. De propos vifs. Voilà, alors, il y a eu bousculade au moment où l'autre porte nous a été ouverte. Mais... on voit très bien sur l'image, à un moment donné, il y a un des deux fonctionnaires de police, je crois que c'est celui qui s'appelle Cubi, qui essaye de passer par derrière et je m'interpose. Et donc là, je le bloque, incontestablement. On peut considérer que je le bloque, mais je le bloque parce que, en plus, tout le monde le sait, Jean-Luc Mélenchon a une oreille qui n'entend pas. Donc, quand il est dans un espace comme ça, il y a beaucoup de bruit, il a plus de mal. Et donc, je sais que, y compris, je ne veux pas qu'il ait, lui, des réactions violentes. Je suis dans un, une forme de protection et une forme d'appréciation de la situation avec des fonctionnaires de police dont nous sentons que certains sont manifestes, en tout cas dans la crispation qu'ils ont du visage, une forme de colère qui monte et que je ne veux absolument pas que ça explose. Si le procureur Marigny, qui finit par sortir à un moment donné du fond, le substitut, du fond du local, avait dit et avait pris sur lui de dire « je descends et je parlemente, j'explique ma position juridique » et que j'ai eu avec lui ce débat juridique, de dire « mais attendez, vous êtes en train de perquisitionner un lieu dans lequel j'ai un local, donc vous perquisitionnez mon association, j'ai le droit d'être là », mais on a constaté qu'en fait, et c'est sans doute l'erreur majeure qui a été commise, c'est qu'ils n'avaient pas enquêté avant de faire leur perquisition. Et donc, ils ont un doute, ils expriment en tout cas sur les PV d'audition après, qu'ils ont un doute sur le fait de la présence d'un local pour l'air du peuple, alors que je suis titulaire d'un bail qui m'a été signé par la France Insoumise, que je paye un loyer régulièrement. C'est une discussion que j'aurais pu avoir avec le substitut du procureur, en disant « mais attendez, votre perquisition, si vous ne me laissez pas rentrer, est nulle. » Et non avenue. En tout cas, elle ne peut pas être invoquée dans le cadre de l'instruction qui aura lieu a posteriori. Alors, en regardant les images, l'intégralité des images mises en ligne par par le site Quotidien, on a un sentiment un peu étrange, c'est-à-dire qu'on a l'impression parfois qu'il y a une espèce de théâtralisation de votre côté à vous-même et des amis de Jean-Luc Mélenchon, dans l'indignation, parce que en même temps on voit Jean-Luc Mélenchon à certains moments rassurer des policiers, changer de ton. Est-ce que vous faites du cinéma pour diffuser ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que cette indignation est totalement sincère? Ça, on n'en doute pas, mais est-ce qu'elle est pas surjouée? Alors la théâtralisation, soyons très clairs, elle vient d'abord du parquet. C'est pas nous qui le disons, c'est le président du Sénat, M. Larcher, qui n'est pas vraiment de notre bord politique, qui lui-même, le jour même, réagit en disant « j'ai cru que c'était une perquisition chez des narcotrafiquants ». Quand vous avez 19 de vos proches qui sont 17 de vos proches, puisque les deux, c'est le comptable qui est moins proche, mais qui est le comptable, c'était son métier, qui a été perquisitionné aussi, l'expert comptable, qui sont perquisitionnés, des gens plutôt jeunes, dont on sait qu'il va falloir après faire un peu de cocooning. Et donc, nous savons que tout ça va être très perturbant psychologiquement sur des jeunes militants dont nous sommes un peu les grands frères, et pas simplement des dirigeants politiques. Moi, en plus, je suis pas un dirigeant politique, je suis un conseiller, comme vous l'avez dit. Mais voilà, on va être obligé de faire les grands frères, c'est très compliqué, et on sent une volonté de le faire, y compris... Deuxième erreur majeure, ils le font le jour d'un remaniement ministériel. Alors certes, ils vont nous dire, mais on a préparé ça en avance. C'est vrai. Mettre 100 policiers sur le terrain, 4 membres du parquet sur le terrain en même temps, ça prend du temps. Mais toute opération administrative doit être conçue à un moment donné pour ne pas perturber l'ordre public plus que ce qu'elle est censée en résoudre. Or, le vice-procureur Perruot, qui dirigeait l'affaire, savait pertinemment qu'il y avait un remaniement, savait y compris pertinemment qu'avant ce remaniement, c'était le Premier ministre qui était ministre de l'Intérieur par intérim, et il pouvait très bien, à 5h30 du matin, dire « bon, écoutez, on arrête et on recommence plus tard ». Il n'y avait aucune urgence à le faire. Comment pouvait-il penser que, évidemment, nous réagirions, genre, comme si de rien n'était, en plus le jour d'un remaniement ministériel? On voit à la fin des images donc diffusées par Quotidien, on voit les policiers repartir avec 2 valises à roulettes, 2 documents. Qu'est-ce qu'il y a comme document? Qu'est-ce que vous avez identifié comme document emporté par la police? Nous ne le savons pas. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a eu là aussi ordre et contre-ordre. Les représentants du parquet, d'ailleurs pourquoi étaient-ils 2 ou 3 si ce n'était pour perquisitionner l'air du peuple? Parce que si c'était un seul suffit pour la France insoumise, donc bien qu'il y avait plusieurs perquisitions en cours au même étage. On le voit bien dans les images à la fin, je crois que c'est le commandant fonctionnel donc qui dirige, qui s'appelle je crois Fondeville, qui essaye, qui dit il y a des scellés, on voit les informaticiens travailler. D'ailleurs, ils ont continué à travailler pendant tout ce temps-là, y compris pendant que les choses se déroulent dans la pièce où nous sommes rentrés. Personne ne les empêche de taper leur PV, de saisie. On voit, ils travaillent. Mais comme le parquetier met fin à de manière un peu impromptue, j'ai envie de dire, à la perquisition, à ce moment-là, il n'y a pas de scellé qui a été signé, ni par moi, d'abord parce qu'ils disent que moi, soi-disant, je n'avais pas de locaux là, ni par Manuel Bompard, qui est le responsable de la France Insoumise à ce moment-là, administratif et le coordonnateur du mouvement, depuis devenu député européen. Et donc, nous ne savons pas ce qu'il y a dans les scellés. Nous n'avons pas vu la liste, ils ne nous l'ont pas montré, ils sont partis avec. Ça ne sera pas en débat dans le procès. Mais quand même, vous auriez pu identifier ensuite, en regardant simplement les dossiers de la France Insoumise, des manques, des absences, des pièces qui font défaut. Alors, d'abord, il faut savoir qu'une perquisition, c'est essentiellement des clés USB. Les perquisitions aujourd'hui, quand ils prennent des papiers, c'est franchement pour faire comme dans les séries. Parce que il suffit de prendre les téléphones portables sur lesquels nous recevons des messages, des mails, etc. Et les ordinateurs pour avoir accès à tout. D'autant plus que je vous rappelle que l'enquête se mène sur des comptes de campagne. Des comptes de campagne qui ont déjà été déposés à la Commission nationale des comptes de campagne, et qui, par ailleurs, comme ils ont perquisitionné chez notre comptable, ils ont retrouvé chez notre comptable. Donc, ils en ont déjà plusieurs exemplaires. C'est en cela que, là, je reviens sur la question d'avant, la théâtralisation, la volonté d'en faire un spectacle, elle est de leur part, pas de la nôtre. Et vous n'avez pas l'impression d'avoir été un peu trop loin, peut-être, dans la manifestation ? Et dans les images, on voit que je sonne, à un moment donné, à la porte. C'est-à-dire que j'essaye de rentrer dans mon local, dont je suis le président, pour lequel je paye un loyer. Et je n'ai aucune réponse des deux policiers. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur un point qui alimente pas mal de rumeurs ? Est-ce que le fichier de la France Insoumise a été saisi par les policiers qui ont perquisitionné ? Le fichier de la France Insoumise, il n'est que dans un ordinateur. On les voit faire leur travail. Ils ont vraisemblablement, nous ne le savons pas, nous n'avons pas eu accès au scellé. Et ils ne sont pas dans l'affaire qui va être jugée le 19 et le 20, ils ne seront que dans le jugement sur les comptes. Par définition, ce sont les scellés que présentera le parquet, peut-être, sauf s'il admet qu'ils sont nuls, et dans ces cas-là, il n'a pas à les mettre. Mais je ne vois pas, ils sont arrivés à 8 heures, ils sont partis à 11h20, 25, 40 minutes, oui, c'est ça, à 11h20, ils ont quand même, pendant 3 heures, pris ce qu'ils avaient copié, ce qu'ils avaient envie de copier. Copier un fichier de 675 000 noms avec nom, prénom, adresse mail, éventuellement téléphone, ça prend quoi, 20 minutes ? Pas beaucoup plus. Donc, vous n'excluez pas la possibilité que, aujourd'hui, le parquet est en sa possession le fichier de l'ensemble des adhérents de la France Insoumise, et le parquet, rappelons-le, dépend directement de la chancellerie, donc alors, il est possible que ce fichier filtre... Alors, j'ose espérer que dès lors que ce sont des scellés, c'est-à-dire que bon, scellé veut dire fermé, c'est dans un sac fermé avec un seau, enfin, du scotch, qu'ils les ont remis au juge d'instruction qui a été désigné, et j'ose espérer que ce juge d'instruction n'a pas ouvert ses scellés pour en faire une copie pour la donner au ministère de l'Intérieur. Faut quand même on passerait dans un autre stade. On peut envisager quand même, et je vous pose la question, est-ce que vous l'envisagez au niveau du parquet copie ait été faite. C'est pas tellement au niveau du parquet, parce que les scellés, ils sont partis avec les policiers de l'OCLIF, le service de police qui avait été mandaté par le parquet pour cette perquisition en enquête préliminaire. Les policiers de l'OCLIF, ils sont comme tous les policiers. Il y en a sans doute parmi eux qui ont été tentés de faire une copie pour la remettre peut-être au ministère de l'Intérieur à l'aide des GSI. Je dirais, c'est sans doute ce qu'il y a de moins pire, mais peut-être pour la remettre à d'autres partis politiques avec lesquels ils auraient des liens. Alors, je le disais au début, vous êtes haut fonctionnaire, vous risquez gros dans cette affaire. Je risque gros, oui, enfin, je risque comme tout le monde, hein, c'est-à-dire si... Alors, heureusement, dans notre pays, on ne cumule pas les peines, parce que si on cumulait les peines, si je prenais les articles du code pénal en pensant que le juge allait avoir la main lourde La plus lourde possible, j'arrive à peu près à 50 ans de prison, ce que de toute façon je ne ferai pas parce que je serai mort avant. Mais notre pays ne cumule pas les peines, donc la peine maximale que je risque, c'est 10 ans de prison, 150 000 euros d'amende, et il y a ensuite la question des peines complémentaires, qui sont graduées, interdiction d'exercer une fonction commerciale, toute fonction publique, inéligibilité et privation de droits civiques. Alors ma situation par rapport à mes amis députés, effectivement, est très différente, puisque voilà, je peux faire l'objet éventuellement d'une sanction disciplinaire, et en cas de condamnation réellement infamante, d'une radiation, en application de, je crois que c'est l'article 5 de la loi de 1983, qui est la loi générale sur les fonctionnaires, quels qu'ils soient, le titre 1 du futur code de la fonction publique, disons, et qui dit que les condamnations ne doivent pas être incompatibles avec la dignité de la fonction. Mais ça, j'ai envie de dire, ça sera à mon chef de corps de l'apprécier. Est-ce que vous regrettez votre comportement ? Est-ce que vous le referiez ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'était à refaire, dans les mêmes circonstances, je le referais, et je n'ai pas... je pense avoir été, contrairement à ce que certaines images démontrent, surtout quand elles sont totalement isolées, comme le fait... comme on le fait dans un générique, comme le Morning Glory de Quotidien, il faut bien comprendre que le fait de baisser le bras de quelqu'un, même avec une certaine détermination, il n'y a pas de coup, il n'y a aucun coup, il faut être sérieux, de notre part, personne n'a frappé personne. Le seul qui, à un moment donné, ça s'apparente à un coup, c'est le fonctionnaire de police Bonan, quand il prend par le cou, ce qu'on appelle une cravate, deux de nos militants pour le dégager, ce qui là c'est même interdit, même sur un terrain de rugby, on va dire. Donc dans le cadre d'une intervention policière, encore plus. Est-ce que je réagirais de la même façon? Honnêtement, je pense que oui. En tout cas, sur site. Après, le cocasse de ma situation, c'est que si les policiers avaient fait leur travail préalablement à la perquisition, ils m'auraient perquisitionné à mon domicile, où nous sommes aujourd'hui, et je n'aurais pas été sur les lieux parce qu'ils sont venus l'après-midi même. Pour ça, c'est aussi pour dire que tout ça, il faut relativiser. Comment ça s'est passé, la perquisition, chez vous ? Ah ben, ça s'est très bien passé. D'abord, ils ignoraient que j'habitais là, ce qui est quand même assez étonnant de la part des services de police. Vous voulez dire que la police est mal faite dans ce pays ? Non, c'est que la police, pour bien faire son travail, devrait enquêter préalablement à une perquisition. Un conseil que je donne, même sans être un grand spécialiste de sécurité, parce que je suis plutôt spécialiste des questions de défense. Ils sont entrés, ils sont assis autour de la table, qui est une grande table. Ils ont installé deux ordinateurs. Ils ont été un peu perturbés par mes bibliothèques, puisqu'il y a 125 mètres linéaires de livres à peu près partout dans cet appartement. Ils ignoraient évidemment que j'avais un box, c'est moi qui leur ai indiqué, je leur ai fait un café. Certains ont accepté, d'autres pas. Je reconnais que certains étaient, position un peu... Ils sont arrivés ici vers 2h15 de l'après-midi, le temps de venir du siège, de déjeuner, et ça a duré 5h30. La perquisition a duré 5h30. Oui, parce qu'ils ont fait des sondages dans la bibliothèque. Alors, ils m'ont demandé si je pouvais les aider. J'ai dit, bien évidemment, je leur ai désigné et je leur ai sorti... des dossiers. Alors, j'ai des choses très anciennes. J'ai été un des fondateurs des SOS Racistes. J'ai encore des archives de ce temps-là. Donc, je leur ai dit, là, vous avez tout ce qui est documents. Je n'ai pas tout gardé. Oh là là. Il faut savoir se fermer les portes et se débarrasser des choses de temps en temps. Je leur ai indiqué les classeurs où je rangeais des choses. Ils ont regardé des choses. Ils ont fait des réflexions sur un certain nombre de choses. Comme réflexion ? De certaines de mes appartenances philosophiques plus discrètes. Ils ont découvert... visiblement ne connaissaient pas, là encore, ils n'avaient pas enquêté. Après, ils ont fait des sondages, ils ont vu qu'il y avait, dans tous les livres qu'ils ont pris, là, ou tous les, ceux que vous voyez là, qui sont en fait des catalogues d'art, ils ont regardé, ils ont vu que je ne cachais pas de papier, donc on est parti ensuite dans mon box, ils ont ouvert des cartons, il y a, comme dans tous les box, c'est pas un box où je mets une voiture, c'est un box, c'est une extension de rangement, on va dire. Ils ont fait des sondages, à un moment donné, ils ont pris deux cartons, ils ont vu qu'il y avait dedans des boîtes de stylos vides, ça les a interrogés, j'ai dit, j'ai une collection de stylos, et un stylo qui n'a pas sa boîte perd 30% de sa valeur. Donc oui, vous regardez partout, vous allez trouver beaucoup de boîtes de stylos. Et puis ça s'est bien passé. Il y a eu une petite chose qui m'a mis la pisse à l'oreille, c'est qu'ils n'ont pas, ils ne se sont pas branchés sur mon téléphone portable. Et donc je leur pose la question à un moment donné, au commandant de police, je passais par le commandant de police, je laissais travailler les agents qui étaient là. Il me dit, ben non, vous en avez changé il y a 15 jours. Voilà, les bras m'en sont un peu tombés, pas tellement sur le coup. Je me suis dit, tiens, ils sont très au courant. Ça veut donc dire qu'on était sur écoute. Donc j'espère que dans l'autre affaire, nous allons voir l'autorisation judiciaire de nous écouter préalablement à l'enquête judiciaire. Mais s'ils avaient mon téléphone, pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de le demander à Manuel Bompard, au siège de la France Insoumise? Il y a des contradictions. Et eux, voilà, c'est une contradiction. Ils savaient donc que j'avais changé de téléphone depuis 15 jours, ce qui était vrai. Et ils sont partis avec quoi, alors, en définitive? Ils sont partis avec uniquement le contenu de mon ordinateur personnel. Et c'est tout? C'est tout. Ils n'ont pas pris de papier. Ou peut-être 3 feuilles, enfin bon, rien. Dans l'ordinateur portable, ils ont... Vous savez, ça prend beaucoup de temps, parce qu'en fait, ils vont rechercher, y compris tout ce qui a été effacé. Ils descendent sur le disque dur. Parce que vous savez, quand on efface, en fait, on libère une place de parking, mais il y a la trace de votre passage. Donc quand on perquisitionne un ordinateur, on va chercher le plus profond. Donc ça prend du temps, parce qu'il faut toutes les couches les unes après les autres, c'est un logiciel spécial, enfin bon, ils ont fait leur travail, quoi. Donc ils ont pris également votre correspondance privée. Ah bah, dans mon ils connaissent toute votre intimité aujourd'hui. Dans mon ordinateur, j'avais des photos. Évidemment, ils ont la trace de tous les sites que j'ai pu consulter dans ma vie. Ils ont effectivement mes correspondances. Enfin, ils ont tout. Quand ils copient un disque dur, ils copient un disque dur. C'est cela aussi. C'est la grande différence entre l'enquête préliminaire et la réquisition judiciaire. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons tout de suite demandé la saisine d'un juge d'instruction, puisque lorsqu'on fait une perquisition en enquête préliminaire, c'est grosso modo, j'ai envie de dire, je vais comparer ça, c'est la pêche électrique à l'électricité, là, contestée actuellement. C'est-à-dire que on ramasse tous les poissons, on ne sait pas ce qu'on va pêcher, on tue tout, et ensuite on trie le poisson pour le vendre. Et là, c'est pareil, on jette un filet immense, et on se dit, on va bien trouver quelque chose. On n'a pas encore fabriqué les chefs d'inculpation. Donc, on n'est pas obligé de savoir ce qu'on cherche. Alors que quand vous êtes dans une perquisition sur réquisition judiciaire, l'ordonnance du juge d'instruction, s'il est là lui-même, dit « voilà, nous cherchons tel et tel élément » et ils ne prennent à ce moment-là que tel et tel élément. Ce qui vaut pour vous, vaut pour l'ensemble des personnes absolument qui ont été perquisitionnées absolument le même jour. Absolument, je peux vous dire, chez Jean-Luc Mélenchon, il y a une scène à un moment drôle, ils ont retrouvé une tablette que Jean-Luc Mélenchon pensait avoir perdue depuis plusieurs années. Et donc, ils l'ont branché pour remettre du jus dans la batterie et pour pouvoir la perquisitionner. Et on lui dit, mais attendez, j'ai pas touché à ça depuis 5-6 ans. Vous savez, on accumule beaucoup, hélas, hein, du matériel électronique qu'on laisse de côté. Voilà, là, j'ai quelques vieux téléphones, là, ils l'ont pas fait. Mais bon, visiblement, mes téléphones ne les intéressent pas. Mais concrètement, quelle garantie y a-t-il que les éléments aient entré à votre intimité? Imaginons qu'il y a des lettres d'amour, il y a des photos avec les femmes qui ont traversé votre vie. Tout ça termine entre les mains de la police. Il n'y a aucune garantie entre les mains de la police, voire au-delà. Je vous rappelle que le lendemain de la perquisition, ou le surlendemain de la perquisition, le 17 ou le 18 octobre, Mediapart publiait le détail de la perquisition qui avait été effectuée chez Jean-Luc Mélenchon. Depuis un an, nous avons été prévenus de tous les actes par la presse. Faut savoir que lorsque l'Express... Vous avez reçu... Moi, j'ai reçu ma convocation. Je suis un des rares à l'avoir reçu sur les 6 qui sont déférés. Ils ne l'ont, à l'heure d'aujourd'hui, pas tous reçu. C'est quand même... Alors après, le parquet nous dit, mais c'est pas nous, c'est les huissiers. Je l'ai d'abord appris dans la... Je peux même vous dire, il y a des choses assez cocasses. C'est que l'Express sort l'info sur son site. Le lendemain, il y a un grand article dans Le Monde. Donc nous apprenons que nous allons être jugés les 19 et 20, enfin que l'audience va avoir lieu le 19 et le 20 septembre, que ça sera la 16e chambre, tout ça dans la presse. C'est pourquoi? C'est pour préparer l'opinion. C'est quel est l'intérêt avant même que nos convocations ne soient signées? Parce que en ce qui concerne la mienne, elle a été signée le 24, donc plusieurs jours après la parution dans l'Express et dans Le Monde. Et 24, alors après, il y a ce conseil du tribunal de Bobigny, mais ça, c'est pas leur faute, c'est que ce tribunal est sous-administré, sous-financé, il y a pas assez de monde, donc j'imagine que les greffes sont débordées. Ça, c'est des choses que je connais, moi, particulièrement. Et après, ils désignent un huissier pour nous les porter. Est-ce que vous avez été entendu sur les faits? Il y a eu une audition à la direction départementale de la police judiciaire, au nouveau 36, dans le 17e. Donc vous êtes rendu là-bas, vous avez entendu par le commandant. J'ai été auditionné par un capitaine de police, le commandant Lhomme qui dirigeait cette enquête préliminaire à la demande du parquet de Bobigny. J'ai venu me voir, ça a été très courtois. Honnêtement, ces auditions-là, en tout cas la mienne, se sont passées de manière beaucoup plus courtoise que celles qui se sont passées à l'Oclif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est vous faire peur, dissuader Jean-Luc Mélenchon, vous-même, son entourage, la France insoumise, c'est affaiblir, discréditer le parti politique. Évidemment, tout ça a d'ailleurs déjà eu des effets, ne le nions pas. Je n'en sais rien. Après, vous savez, on est le 19 et le 20, nous sommes, nos vies sont dans la main de 3 juges du siège, professionnels. La correctionnelle, donc c'est des juges professionnels, président de la 16e chambre et 2 assesseurs, bon, qui seront tour de bête, hein. Et c'est eux qui ensuite vont se retirer, vont délibérer et vont juger. Et vous allez vous battre? Juridiquement, bien sûr. Vous n'êtes pas. Quand vous dites battre, il y a un côté combatif. Non, nous allons nous défendre. Venez, vous verrez, ça sera. Ah ben nous y serons, nous y serons. Ça sera un combat judiciaire intéressant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui. Il faut combien de briques pour faire un mur? Ah ben ça dépend du mur. Les murs? Oui, ça pour un mur normal. Qu'appelez-vous un mur normal? Un mur droit. Droit? Oui, comme un étudiant. Quel étudiant? Un étudiant en droit. Ah, de quelle hauteur? L'étudiant? Non, le mur. Un mur de ma taille. Combien mesurez-vous? La hauteur d'un petit mur. Bon. Alors, ça dépend des briques. De leur largeur? Non, de leur hauteur. Et la largeur d'une brique, ça fait combien? Environ 3 fois la hauteur. Oui, alors j'ai intérêt à placer la largeur de mes briques dans le sens de la hauteur. Ah oui, mais la largeur sera moins longue. Et alors? Alors, si la largeur est moins longue, votre mur sera moins large. Oui, mais il sera plus haut. Oui, c'est juste. Bon. Mais qui va le faire, ce mur? Moi. Où avez-vous appris à faire les murs? Pendant mon service militaire. Faisiez des murs au régiment? Pendant un. Un quoi? Un mur. Mais pourquoi faisiez-vous un mur? Pour empêcher les autres de le faire. De faire quoi? Le mur. C'est pas très clair, hein? C'est normal, un mur ça fait de l'ombre. L'autre pas. Non, expliquez-vous. Eh bien, c'est très simple. Le mur de la caserne était trop bas. Oui, alors? Alors l'adjudant m'a demandé de construire un autre dessus. Un autre quoi? Un autre mur sur le mur trop bas pour que la hauteur soit plus haute. Ah bon, alors en somme, vous avez fait le mur pour que les autres ne le fassent pas? Non, parce qu'ils voulaient pas le faire. Bah, si vous voulez pas le faire, vous avez demandé d'en faire un autre. Pour qu'ils ne puissent pas le sauter, vous comprenez? Non, mais je veux pas me rendre malade. Ouais, en tout cas, c'est pas facile d'élever un mur. C'est plus facile que d'élever une protestation. Pourquoi élever une protestation? Non, j'ai dit élever une protestation comme j'aurais dit élever un caïman. Vous élevez un caïman? Oui. Il est ramené du Japon. Il parle japonais? Lui, non, mais moi, oui. Ah, vous parlez japonais? Ah, je suis en train d'apprendre. Ah. Il paraît que c'est plus facile que le chinois. Tout ça, c'est des Honda. Des Honda? Non, des Hondi. Ah oui. Qu'est-ce que vous lui dites à votre caïman? Alligato. Alligator? Non, pas alligator, alligato. Ah oui, ça veut dire alligato? Merci. Vous dites merci à votre caïman? Oui. Il doit être content? Oui. Il remue la queue quand il est content? Non. Pourquoi? Parce qu'un caïman, c'est pas un chien. Comment le savez-vous? Il aime pas le sucre. Ah bon. Il mange des poissons? Non, des fruits. Des bananes? Non, des murs. Alors en parlant de murs, qu'est-ce que je disais? Ah oui, il me disait que c'était pas facile d'élever un mur. C'est exact. Tenez, prenez le camp des Lambert, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Lambert? Bien, ils ont essayé d'élever un mur. Et alors? Et alors leur mur est très mal élevé. Ah bon? Oh, il est grossier. Ah. Oh. Il est peut-être trop mûr pour son âge. Oh, c'est pas une raison. Vous avez visité Jérusalem? Oui, en barque. En barque? Oui, c'était inondé. À cause de la pluie? Non, trop de monde au mur des Lamentations. Ah. Mais enfin, vous voyez que c'est autre chose que le mur de Berlin. Ah, vous l'avez visité? On ne visite pas un mur, on le regarde. Oui, ou on le rase. En faisant attention quand on le rase. Pourquoi? Parce que les murs ont des oreilles. C'est juste. Bon, alors qu'est-ce que je fais avec mon mur, moi? Mais c'est pour quoi faire ce mur? Voilà, c'est pour ne plus voir les gens qui m'entourent. Mais qu'est-ce que vous en faites? Je ne les supporte plus. Mais comment ça se fait, ça? Je suis devenu misanthrope. Misanthrope? Misanthrope. Alors, si vous êtes misanthrope, ne faites pas votre mur en brique. Alors en quoi? En pierre Molière. Ah. Thank you. Salut, c'est Hugo. Vous avez dû en entendre parler, le gouvernement veut privatiser le groupe Aéroport de Paris en 2020 et ça provoque beaucoup de débats. Une procédure pour faire un référendum d'initiative partagée a même été lancée. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre les arguments pour et contre la privatisation, mais aussi ce que c'est que cette histoire de référendum qui agite la politique française et dans laquelle vous pouvez vous impliquer. Mais déjà, voyons un petit peu le contexte. ADP, c'est l'entreprise Aéroport de Paris et en gros, ils exploitent des aéroports comme Paris-Orly, Le Bourget et Paris-Charles-de-Gaulle. A noter aussi, et c'est important d'un point de vue financier, que le groupe gère aussi tous les hôtels, bureaux et centres commerciaux qui vont avec. En d'autres termes, c'est donc une entreprise qui pèse lourd avec plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Quand le groupe ADP a été créé en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien l'État était propriétaire à 100% de l'entreprise. Mais la privatisation d'ADP, eh bien elle a débuté il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années. En 2006, ADP a été introduit en bourse et à ce moment-là, l'État a vendu une partie de ses parts à des entreprises privées comme Vinci ou encore le Crédit Agricole. Résultat, aujourd'hui en 2019, eh bien l'État français détient 50,6% des parts. Forcément, quand vous détenez des parts d'une entreprise, eh bien elle vous verse des dividendes chaque année. Pour faire simple, elle vous donne une certaine somme d'argent chaque année et elle fait pareil avec tous les autres actionnaires. Le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, Aéroport de Paris pèse lourd, son chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter depuis quelques années. Et cette année, par exemple, l'entreprise a rapporté 173 millions d'euros à l'État. Mais du coup, si ça rapporte autant d'argent, alors pourquoi privatiser ? Bah pour comprendre ça, il faut s'intéresser à la loi Pacte proposée par le gouvernement. On dit loi Pacte parce que autrement, il faudrait dire plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Cette loi, elle a été adoptée en avril dernier et en gros, son objectif, c'est de donner aux entreprises les moyens d'innover pour qu'elles se développent et qu'elles embauchent, si on résume vraiment très simplement. Donc pour donner aux entreprises les moyens d'innover, il faut des sous et c'est là qu'interviennent les privatisations. Le gouvernement a donc proposé de privatiser des entreprises comme Aéroport de Paris, mais ce n'est pas la seule concernée puisqu'on parle aussi d'Engie et de la Française des Jeux. Bref, cette vente, elle doit rapporter 10 milliards d'euros qui vont servir à constituer un fonds pour l'innovation. Ce fonds, il va permettre de financer des projets pour investir dans les nouvelles technologies notamment. Alors les 10 milliards d'euros, ils ne seront pas disponibles tout de suite, le gouvernement a précisé que l'argent serait placé et en gros, tous les ans, eh bien cet argent placé devrait rapporter entre 200 et 300 millions d'euros, c'est cette somme-là qui sera utilisée. Il faut aussi rappeler que le gouvernement ne va vendre qu'une concession de 70 ans, c'est-à-dire que dans 70 ans, eh bien l'État redeviendra actionnaire majoritaire d'ADP. D'ailleurs, chose importante à noter pour qu'il n'y ait pas de confusion, dans tous les cas, qu'il y ait privatisation ou non, l'État s'occupera toujours de la sécurité des pistes et des bâtiments, du contrôle des passagers, des marchandises et du trafic aérien. Ça, et c'est quand même important, ce sont des compétences de l'État et ça ne changera pas. Voilà, là on a posé le contexte et les motivations affichées du gouvernement, mais maintenant essayons de comprendre pourquoi ça fait débat. Alors globalement, il n'y a que La République En Marche qui soutient le projet et quasiment tous les autres partis s'y opposent. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que pour l'opposition, ce serait une perte de souveraineté. Et quand on regarde à l'échelle mondiale, aujourd'hui, même si ça commence à tendre vers la privatisation, eh bien 86% des aéroports sont toujours publics, donc 86% des aéroports appartiennent aux États. Ça montre quand même que les États tiennent à leurs aéroports, pour eux ce sont des entreprises stratégiques, ce n'est pas anodin. Certains opposants à cette vente d'ADP, comme la France Insoumise, soulignent aussi que ADP rapporte déjà assez d'argent chaque année à l'État. En gros, un fonds pour l'innovation, etc., pourquoi pas, mais pour la France Insoumise, il peut totalement être financé avec les dividendes que reçoit l'État en tant que propriétaire d'ADP, surtout qu'ADP est une entreprise qui fonctionne très très bien. De son côté, le gouvernement reconnaît que la somme versée par ADP avec les dividendes est assez importante pour le moment, mais pour lui, on ne peut pas compter vraiment sur ça pour financer un fonds. Si ADP a des difficultés, eh bien les dividendes vont baisser automatiquement et ça, pour le gouvernement, eh bien ça ne peut pas se prévoir. Du coup, il n'est pas prêt à prendre le risque et veut la jouer plus safe en vendant ses parts. L'autre crainte des opposants au projet, eh bien c'est que les prix explosent. Les nouveaux propriétaires pourraient avoir envie d'augmenter les tarifs d'utilisation des pistes et des aérogares, ce qui pourrait amener les compagnies à augmenter le prix des billets d'avion pour compenser. C'est un peu ce qui s'est passé pour les autoroutes quand elles ont été privatisées, et d'ailleurs c'est un argument majeur des opposants à la privatisation. Mais selon le gouvernement, eh bien ça ne peut pas se reproduire puisqu'il y aura une autorité qui sera là pour surveiller l'évolution des tarifs. Le dernier argument contre la privatisation qu'on peut relever, eh bien c'est celui d'avantages d'ordre écologique. En ce moment, on parle beaucoup du fait qu'il faudrait dissuader les gens de prendre l'avion parce que ça pollue énormément. Et donc l'une des craintes, sans rentrer dans les détails, c'est que la privatisation d'ADP rendrait la taxation du kérosène zen beaucoup plus compliqué sur notre territoire. Voilà, on a un peu fait le tour des arguments principaux, mais il y a un point important qu'il ne faut pas oublier. Beaucoup de gens ont en tête l'histoire de l'aéroport de Toulouse. En fait, il a été partiellement privatisé et ça ne s'est pas bien passé. En 2015, l'État a vendu 49,9% des parts de l'aéroport de Toulouse à une société chinoise et au final, elle n'avait pas assez d'expérience et n'a pas su gérer l'aéroport. Je vous passe les détails, mais pour la Cour des comptes, eh bien cette opération, c'est un véritable échec et du coup, la société chinoise a décidé de remettre en vente ses parts. Bref, vous l'aurez compris, le projet de privatisation d'aéroport de Paris n'est pas très populaire et du coup, 248 parlementaires tentent de faire annuler le projet. Et pour cela, ils ont enclenché la procédure du référendum d'initiative partagée. Alors, qu'est-ce que le RIP ? En résumé, le RIP, c'est un référendum qui permet d'avoir l'avis des citoyens sur un sujet. Dans notre cas, il porte donc sur l'annulation de la privatisation d'ADP. Cette procédure ne peut pas être déclenchée par n'importe qui, les seuls à pouvoir le faire, eh bien ce sont le président ou alors au moins un cinquième des parlementaires. De ce côté-là, on est bon, comme on l'a dit, il y a 248 parlementaires qui ont enclenché la procédure pour empêcher la privatisation d'ADP. 248 parlementaires, c'est donc plus d'un cinquième des parlementaires. La deuxième étape du RIP, eh bien c'est la validation par le Conseil constitutionnel. Sur ça aussi, on est bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais le Conseil constitutionnel a bien validé la proposition de RIP sur la privatisation d'aéroports de Paris. Enfin, dernière étape pour que le référendum soit organisé, eh bien il faut récolter la signature d'au moins un dixième des électeurs, soit environ 4,5 millions d'électeurs. Pour cela, une plateforme est mise en ligne pendant 9 mois, et s'il y a assez de signatures à l'issue de ces 9 mois, eh bien le gouvernement doit alors organiser un référendum. La plateforme pour organiser le RIP sur la privatisation d'aéroports de Paris a été mise en ligne le 13 juin dernier, et certains médias comme Libération font un décompte du nombre de signatures chaque jour, donc je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais cette plateforme, elle a suscité pas mal de critiques la semaine dernière. En effet, il y a eu pas mal de bugs, par exemple le site ne trouvait pas certaines personnes inscrites sur les listes électorales, ou alors elle ne prenait pas les accents en compte. Là aussi, Libération s'est penchée sur la question et explique que l'interface est assez vieille, vu que c'est la première fois qu'une procédure de RIP est lancée. Autrement dit donc, ce n'est pas un sabotage par le gouvernement, c'est simplement le site de base qui est très mauvais. Alors, va-t-on atteindre le 4,5 millions de signatures ? Eh bien, c'est un sujet dont on va entendre beaucoup parler dans les mois à venir. Du coup, vous inquiétez pas, on va vous tenir au courant, notamment sur Instagram, dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir. C'est la meilleure façon de rester informé rapidement au quotidien. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte, vous le savez, le lien est aussi dans la description. Et vous, est-ce que vous pensez qu'Aéroport de Paris doit être privatisé ? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en à droite. Dans la description, du coup, vous retrouvez des liens pour en savoir plus, et notamment, du coup, le lien vers cette fameuse plateforme. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.